C'était Just One of the Guys de Ginny Lewis, qui était ma découverte musicale donc dans la boîte à chansons d'Alex cette semaine. Fait que là, c'est plus boîte à musique, c'est une boîte à chansons. Boîte de nuit. Boîte de nuit. Oh boy. Alors, on découvre un album ou un artiste à chaque semaine avec Alex, les lundis matin à 9h. Ouais. Merveilleux. Bon choix encore. Merci. Mais toujours, tu trouves quelque chose, un petit bijou, une petite perle. Ah, ben celle-là, je l'aime beaucoup. C'était allez, vraiment bon. J'ai adoré ça. Ouais, ouais. Ah ouais, elle l'a dit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Salut Jeff Veilleux, ça va bien? Bonjour Danny. Gros week-end. Oui, tout à fait. Je vais vous en parler tout au cours de la chronique. Mais avant, on pourrait faire un bref retour sur la campagne référendaire écossaise. Oui, exact. Il y avait lieu, c'était jeudi. Jeudi, tout à fait. Grosse journée quand même. Ouais, grosse déception aussi qui vient avec. C'est triste à dire, mais c'est comme, en tout cas, c'est je suis comme pas surpris, tu sais. Mm-hmm. C'est plutôt si le résultat avait été autre qu'on aurait été très content, très joyeux, mais quand même surpris de tout ça. Ouais, ouais. Tu sais, on est comme habitué d'être dans un statu quo sur la planète, on dirait. Puis on dirait quand ça change tout le temps pour le pire. Mm-hmm. Mais en tout cas. Et donc, c'est la peur et les promesses qui ont fait gagner le camp du non à 55%. Qui était aussi désorganisé complètement. Tout à fait. Mais la peur, ça, c'est facile quand on a la peur de notre côté. On peut quand même dire que le oui a gagné. Parce que, chose sûre, le régime va changer. L'Angleterre a promis des choses à l'Écosse. Donc, normalement, l'Écosse devrait sortir avec des pouvoirs en plus. Des pouvoirs qui ont été promis par Londres. On verra si les promesses étaient des fausses promesses de politiciens. Parce qu'en 95, on s'est fait promettre des choses. Nous, Et qu'est-ce qui a changé? Ben, je pense que ça a juste rempiré. Ouais, c'est juste ça. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai de la misère. On va voir ce qui arrive. Surtout qu'eux aussi, le premier ministre a démissionné. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est une très grande perte pour eux. Oui, mais il a quand même dit que le mouvement indépendantiste continuait sa route et que c'était juste le début de leur projet. Là, parce que finalement, c'est grâce à lui que le oui a monté quand même près de 50%. Mm-hmm. Et c'est quand même louable de... Tu sais, il n'a pas dit précisément « à la prochaine fois », mais il a dit « continuez de rêver, puis continuez d'espérer mm-hmm. ». Parce que les Écossais, il y a un slogan qui disait « Banks, the city and British politicians want to scare you. Show them that you are not Quebecers. » Malheureusement, ils ont fait pire que nous mm-hmm. dans le score. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de sondages qui donnaient le oui gagnant. Non, vraiment pas. Et le oui était en avance dans la montée, mais il n'était pas gagnant dans les résultats. Et puis une bonne participation en plus. Là, oui. 80-90. Au moins 90%, oui, tout à fait. Au Québec, ça, c'est 95. Bien, par contre, là, d'avoir une belle participation comme ça. Ça c'est le fun. Fait que c'est sûr que le caractère démocratique est très louable et ça a été quand même une bonne prise de conscience, sûrement, pour le peuple écossais. Parce qu'il faut dire que c'est une campagne référendaire s'est allé sur 18 mois. Donc, un an et demi de campagne référendaire. Et c'est juste vers la fin que le oui s'est soulevé. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que c'était un peu tardif. Mais c'est peut-être le début de quelque chose pour eux. Mais il faut quand même dire que l'espoir était du côté du oui. Mm-hmm. Alors que ceux qui étaient, plus du côté de la peur étaient évidemment dans le camp du non. Mm-hmm. Et ça se reflète dans les résultats des générations. J'ai quelques chiffres pour toi. Les hommes ont voté oui à 47% et les femmes à 44%. Okay. Donc, il y a eu plus de femmes qui ont eu peur de se séparer que d'hommes. Et dans les générations, là, c'est totalement c'est clair. Les 16 à 17 ans, parce qu'en Écosse, on peut voter à partir de 16 ans, ils ont dit oui à 71%. Mais eux autres, mais qu'ils soient plus vieux, ça peut aider. Oui, ouais, ça c'est sûr que ça va rester. c'est ça. Tandis que chez les 65 ans et plus, ils ont dit non à 73%. C'est fait qu'il y a vraiment flagrant, le clash là, des générations. Fait que il y a plusieurs internautes qui ont dit que l'Écosse, finalement, ont perdu le référendum à cause de quoi? De l'argent et du vote gériatrique. Dans le fond, c'est la gérontocratie là, qui règne encore. Mm-hmm. Là, on a de la misère à changer, à donner le pouvoir aux nouvelles générations. Comme ici. À transférer. Hein. Ouais. La France aussi, beaucoup, elle souffre de ça, de la difficulté d'intégrer les jeunes et les nouvelles générations à la délégation du pouvoir et à la décentralisation. Mm-hmm. Mais on leur souhaite la meilleure des chances à l'Écosse. T'as-tu écouté? Tout le monde en parle hier. Oui. Chantal Hébert, une belle cote, un moment donné, qui a dit que l'idée de l'indépendance vendue par des bononcles, ouais. des vieux habillés en bononcles, c'est pas nécessairement tout le temps... Mm-hmm. Tout à fait. C'est pas charmant, disons. En effet, c'est pour ça qu'ils étaient réunis en fin de semaine, 1000 indépendantistes. Oui, moi, c'est ça que je voulais que tu me parles. À un événement qui s'appelait Destination. Parler d'espoir. Puis Nation avec un N majuscule. Oui. Et ça s'appelait Nouvelles idées, nouveau départ. Donc, c'était organisé par le Conseil de la souveraineté du Québec en collaboration avec le NMQ, le Nouveau mouvement pour le Québec, à ne pas confondre avec le MNQ, qui est le Mouvement national des Québécois. Okay. Et puis, il y a quasiment eu 1000 indépendantistes qui se sont réunis au Théâtre l'Olympia. Martine Desjardins, l'ex-leader étudiante, était la porte-parole de l'événement. Bernard Landry était présent. Il y a eu une vidéo de Jacques Parizeau de 30 minutes qui est disponible sur Internet et qui fait son propre bilan des dernières années, là, parce que bientôt, ça va faire 20 ans pour le référendum de 1995. Et donc, où en est le mouvement indépendantiste? Comment accélérer la convergence des forces indépendantistes? Plein de bonnes idées. On a aussi axé sur le modèle républicain. Ah. Un retour du modèle républicain pour renforcer l'argumentaire indépendantiste. En résumé, la République, c'est très simple. C'est l'antimonarchisme, puis surtout la souveraineté populaire. Le pouvoir, c'est le peuple qui donne, qui est comme la garantie, mais qui est aussi pas le responsable, mais le seul garant, en tout cas, du pouvoir. Le collectif est plus important que les intérêts individuels. Mm-hmm. Ça, c'est super important dans la République. Une autre chose aussi, c'est la séparation de l'État et de l'Église. La laïcité est un fondement principal de la République. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire du Québec. Il y a Danick Parenteau, qui vient d'ailleurs publier un petit livre qui s'appelle « Précis républicain ». À l'usage des Québécois, okay. Et qui démontre que les Québécois sont républicains sans le savoir. Ils s'opposent déjà au multiculturalisme, ils s'opposent déjà à la domination du religieux dans la sphère publique, sont pour l'égalité homme-femme, plein de valeurs là, qui appartiennent vraiment au modèle républicain. Et ça, c'est ressorti en fin de semaine. Aussi, projet de mobilisation citoyenne à l'ère des communications 2.0. Donc, comment faire pour diffuser le message indépendantiste en dehors de la radio, de la télévision et des médias traditionnels de masse, finalement? Et ça, c'était super intéressant. Celle qui nous colore le message beaucoup, là. Oui, oui. Mais quoique, il faut faire attention, les réseaux sociaux colorent les messages beaucoup aussi. Oui, c'est sûr que c'est subjectif. Des fois, c'est à fond, très, très passionné, très noir ou très blanc tout le temps. Mm-hmm. Ça aussi, comme on dit, il faut faire attention. Mais moi, j'ai une question, je veux juste changer. Il y a eu beaucoup de gens, tu sais, et puis on le sait, comment que l'économie fait peur, puis la peur de l'Écosse, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses côté monnaie? Mettons, on devient indépendantiste, qu'est-ce qui arrive avec la monnaie? Pour toi, là, c'est quoi l'idée la mieux? Parce que on a parlé, j'ai entendu plein de trucs par rapport à l'Écosse, puis mm-hmm. eux, ils disaient, il y en a qui disaient non, on garderait la même monnaie. D'autres disent non, c'est impossible, tu ne peux pas garder la même monnaie. Tu sais, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu sais, d'une mm-hmm. certaine façon. Toi, j'aimerais t'entendre, qu'est-ce que tu penses de ça? Pour nous ici. Là. Au début, ça serait pas, ça serait peut-être nous tirer dans le pied de créer notre propre monnaie. Parce qu'avant la reconnaissance internationale, il faut quand même asseoir notre État sur des bases mm-hmm. économiques plus solides. Être accepté. Oui, exactement. Et selon Jacques Parizeau, qui est économiste de formation dans plusieurs universités réputées, il dit qu'au moins pendant 10-15 ans, on pourrait garder la monnaie canadienne. Premièrement, la valeur ne descendrait pas nécessairement parce que 25% de l'argent canadien est au Québec. Donc, le Canada n'a aucun intérêt à dévaluer sa propre valeur parce que nous, on l'utiliserait encore. Okay, même qu'il voudrait qu'on l'utilise encore parce que justement, ça ferait continuer à rouler le marché de l'argent canadien. OK. Puis, comme Parizeau il disait, de 10 à 20 ans, mettons 20 ans maximum, le temps de se créer une banque nationale et de s'imposer dans les grands réseaux, marchés, ouais, les grands marchés économiques avec nos propres industries. Ouais. Comme okay. On est Bombardier, c'est quand même la quatrième plus grande compagnie aéronautique au monde. On est Hydro-Québec aussi qui fait des miracles de plus en plus. Mm-hmm. On a quand même beaucoup de puissance économique au Québec pour s'imposer dans les marchés internationaux. Et donc, c'est sûr qu'éventuellement, ça serait bien au niveau symbolique d'avoir notre propre monnaie, surtout qu'enfin, on aurait plus la face de la reine sur notre papier puis qu'on pourrait enfin mettre des héros comme Papineau ou Chénier ou même Lévesque sur notre argent. Là. Félix Leclerc pourrait être aussi un bon symbole. Ça fait que ça, c'est sûr que ça serait un élément positif à changer. Mais c'est pas quelque chose qui est pressant. Okay. Vraiment pas pressant. Mais moi, c'est la question, tu me l'as dit, dans le fond, c'est que le Canada voudrait pas nécessairement. Parce que moi, je me disais, si le Canada décide non, ben, on pourrait pas utiliser la monnaie d'une certaine façon. Mais si, mettons, on parle de si depuis tantôt, mais parce que c'est quand même c'est une monnaie canadienne, je veux dire. Ouais. Nous, on peut pas fonctionner avec la monnaie américaine. Elle va passer comme ça ici, mais on pourrait pas fonctionner là. Mm-hmm. On n'a pas de monnaie. Fait que toi, tu me dis, ta réponse est bonne, moi, elle me convainc. Que là. Ça serait au désavantage du Canada de nous priver d'utiliser leur monnaie. Parce qu'on est actif sur le marché international et on utilise cette monnaie-là. Donc, pour continuer à la faire circuler, qui est environ 25 % de la masse monétaire canadienne, mm-hmm. le Québec serait un allié, serait un partenaire. Okay. Et ça, dans la période, dans le référendum écossais, on a vu quand même que les deux camps étaient... Il y avait beaucoup, ben ça, Chantal Hébert l'a bien expliqué, là, qu'il y avait beaucoup de... Le partenariat était déclaré, puis si le oui était gagnant, oui, on va discuter. Ouais, c'était plus ça à table, mettons. Ouais, là, ouais. Ce qui n'a jamais eu lieu au Canada, de la volonté de reconnaître le côté démocratique de l'exercice. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'on va continuer à échanger. Il n'y a pas de mur qui va se construire si on devient indépendant. Mais, c'était pas ça que je me disais, mais je me disais quand même... Parce que, admettons que l'Écosse aurait voté oui... Si eux non plus, ça devait pas, c'est pas payant pour eux, mais si la campagne du peur, c'est ce qu'ils nous disaient. L'Angleterre voulait, il y en a en tout cas, il y en a beaucoup qui voulaient pas leur donner le droit d'utiliser la monnaie. Ouais. Fait que ça a fait peur. Oui, ouais, tout à fait. Puis c'est un peu compréhensible, tu sais, pour un bonhomme justement de 70 ans, là, 80 ans, de dire qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Fait ils savent jouer sur la peur. Tu sais, ouais. C'est facile de jouer là-dessus. Tout à fait. Mais bon, tu m'as bien répondu. Merci. Mais sinon, là-dessus, le Bloc québécois, dans son programme, avait déjà proposé l'Améro. Okay. Qui serait une monnaie comme de l'Amérique utilisée. Oui, exactement. Mais là, à voir comment l'euro s'en sort, c'est pas bénéfique pour tout le monde. Mm-hmm. Fait que peut-être, oui, éventuellement, ce serait bien d'avoir notre propre monnaie nationale plutôt qu'avoir une monnaie continentale qui pourrait finalement nous perdre dans le marché de l'Amérique du Nord, considérant que le Canada, que l'Ouest se dirige vers des énergies très polluantes. Oui, c'est ça. De plus en plus contestées. Et d'un autre côté, que les États-Unis, eux autres, sont en banqueroute. Là. Ils n'arrêtent pas de faire la guerre dans tous les pays du monde. Fait que ça leur coûte cher. Puis ça serait à notre désavantage de s'associer avec eux. Parce que notre économie est vraiment plus forte. Mm-hmm. Dans le sens qu'on ne souffre pas de la crise économique. Puis que notre taux de chômage est assez bas quand même. Oui, comparé aux Américains. Oh, ben c'est bien. Et merci. Puis, dans le fond, des idées qui sont ressorties, entre autres, revaloriser le rapport à l'air pour détruire les arguments actuels des libéraux. Le rapport à l'air, c'est au début des années 90, c'est quand le Parti libéral a fait une commission à l'interne et qui se sont prononcés en faveur de l'indépendance du Québec. Okay. Donc, on devrait peut-être leur mettre d'en face pour leur dire vous étiez pauvres là, pas longtemps, puis d'actualiser les études qui sont faites sur justement la transition qui va être nécessaire. On a aussi compris que nier l'existence des Québécois, c'est réveiller leur conscience. Qu'à chaque fois qu'on a tenté de diminuer le poids, qu'il soit symbolique ou historique, de la nation québécoise, c'est là qu'on a sorti dans la rue puis qu'on... Bon, ben on va travailler sans vous autres si vous niez notre existence. C'est ça, exact. Puis présentement, Madrid fait exactement la même chose avec les Catalans en niant leur désir de s'exprimer démocratiquement. Leur droit d'exister. Et finalement, ça les réveille de plus en plus. Fait que ça, c'est quand même... C'est comme on disait la semaine passée, on a dit, il faut juste que ça aille encore un peu plus mal, puis là, un moment donné, les gens vont se réveiller pour de bon. Ouais, ouais. C'est tout le temps là que ça se réveille. Qu'est-ce que, justement, Chantal Hébert disait hier par rapport à la fameuse campagne d'amour là, que les gens sont venus nous dire qu'ils nous aimaient en 95. Le love-in. La plupart disent que finalement, ça a été très négatif. Au bout du compte, ça a fait chier bien plus que ça l'a aidé, le camp du non. Puis même des fédéralistes comme Daniel Johnson, qui était chef de l'opposition, refusé de participer à cet événement-là. C'est ça, parce était contre, parce qu'il savait que si tu réveilles les Québécois puis tu lui dis quoi penser, ça marche pas. T'sais. Regarde la vague orange qui est arrivée aussi, quand même. C'est les Québécois qui ont dit, nous, on n'a pas le goût de lui. On va le sortir. On va changer. On va essayer quelque chose. Fait que dans le fond, les 1000 indépendantistes, en fin de semaine, ils ont essayé de dépoussiérer le projet indépendantiste puis de lui redonner un sens. Mais plus particulièrement, de le départisaniser. Oui. Parce que c'était un forum citoyen en fin de semaine, des citoyens indépendantistes. Et donc, il faut sortir des idées des partis politiques, puis retourner aux porte-à-porte, aux assemblées de cuisine, à la pédagogie populaire, finalement. Puis, tu sais, on va laisser faire un petit peu les moyens, le référendum. Surtout qu'on voit qu'en Écosse, c'est pas nécessairement gagnant, alors qu'il y avait toutes les raisons pour devenir autonome. Et on va retourner sur les motifs. Parce que les jeunes générations, ils sont un peu déconnectés. Là. Ils savent pas c'est quoi la Révolution tranquille. Le sage, l'évêque, Trudeau, il y a quelques phrases dans les livres d'histoire, mais si on n'en parle pas, ils ne sauront jamais c'est quoi. Il faut qu'ils comprennent. Oui, ce qui est différent de la génération des baby-boomers qui, dans les années 60, eux autres, ont vécu la misère. Le rapport Laurent Dalton qui disait que les Canadiens français étaient les avant-derniers, l'avant-dernière ethnie les plus pauvres et les plus démunis au Canada, juste avant les Amérindiens. Et donc, c'est pour ça que... Ça te fouette là, quand t'apprends ça. Ouais. Là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait réexpliquer un petit peu plus pourquoi et c'est quoi nos entraves. Mm-hmm. Et en fin de semaine, ils ont lancé un livre qui s'appelle « Forger l'avenir ». En fait, c'est le Conseil de la souveraineté qui a lancé ça. Et c'est un résumé des résultats de la phase 2 des États généraux sur l'indépendance. C'est quelque chose qui se tenait depuis 2 ans. En lien avec la convergence nationale. Et puis, ils ont identifié 92 blocages dans le cadre fédéral actuel. Et c'est en référence principalement aux 92 résolutions des patriotes, un petit clin d'œil. Et donc, un livre qui explique ça, là, Forger l'avenir, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus. Je l'ai acheté et donc je vous en ferai d'ici la fin de la session un petit résumé là, de tout des raisons actuelles de faire l'indépendance. Là. On n'a pas besoin de retourner aux patriotes, ni même pas à la Révolution. Ouais, c'est ça, pour les jeunes là. Ouais, Stephen Harper, chaque jour, nous donne une raison supplémentaire. Moi, je fais juste le voir. Le lac Mégantic, le pont Champlain. Je fais juste le voir, moi, avec ses calendriers à 25$ là, que j'ai vu passer. Oui, tout à fait, pour ça s'autofinancer. Mais ça, je disais, moi, chez IGA, ils t'en donnent un, puis il y a des recettes dessus, puis il y a des belles photos de bouffe, c'est pas mal mieux. En tout cas. Donc, les indépendantistes veulent se redonner le goût de reconquérir des libertés collectives. Ça, c'est super important, de fonder le projet sur l'espoir et sur l'idée qu'on peut faire mieux. Puis que l'autonomie, dans le fond, l'indépendance, c'est de s'attribuer autant les bons que les mauvais coups. Mm-hmm. On va arrêter de dire « c'est la faute d'Ottawa ». S'il y a quelque chose qui ne marchera pas, ça sera de notre faute. Exact. Puis c'est ça l'indépendance, être responsable à 100%. C'est ça être adulte. Oui, la maturité politique. Exactement. Un jour, peut-être qu'on va pouvoir aller de l'avant. Parizeau, il disait qu'un référendum, ça se demande aussi quand on est prêt. OK. Fait qu'on va arrêter de vouloir fixer une date, là, puis de sortir, dans le fond, de l'étapisme ou du piège du calendrier. Oui, le piège du calendrier. Parce qu'en fait, le PQ, quand il a demandé de faire un référendum dans l'élection de 94, ça faisait déjà 4 ans qu'il se préparait. En faisant des études, il y avait déjà 4 ans de préparation. Oui, tout à fait. Puis ils ont demandé à la population un mandat pour réaliser l'indépendance, ce qu'ils ont eu. Donc, il n'y avait plus le problème moral de piger dans les fonds publics, mettons, pour promouvoir faire des études sur l'indépendance, parce qu'ils avaient reçu le mandat populaire de faire ça. Ça, c'était super intéressant. Il y a des opérations qui sont qui vont avoir lieu au mois d'octobre, dont une le 26, je crois. Ça s'appelle l'opération Bélier. Et c'est une journée nationale de porte-à-porte au Québec pour conscientiser les citoyens sur, ben, sur les bonnes raisons. Ouais, de... les effets bénéfiques positif. Et positifs de l'indépendance. Il y a aussi ressorti l'idée de créer un portail web unique et totalement neutre dédié aux indépendantistes et qui pourrait permettre une réplique plus rapide à chaque fois qu'il y a un article ou un éditorial qui fait une montée de lait contre le mouvement indépendantiste ou qui ridiculise le mouvement nationaliste, ben il faudrait répliquer tout de suite. Puis le plus vite possible, puis répandre ça puis dans les réseaux. Intelligemment. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Fait que ça, ils veulent monter un peu comme Vigile.net ouais. fait, mais encore mieux organisé. Donc ça, c'est ressorti des panels. On veut créer un annuaire des indépendantistes et des organismes partenaires aussi. Que la GRC, ils vont mettre le doigt là-dessus. Puis les... ils vont emprisonner tout le monde. Ils vont emprisonner tout le monde dès qu'il y a une petite affaire. Crise d'octobre, ouais, c'est la suite. La suite. Il faut aussi contrer la peur économique, puis convaincre la nécessité, mais aussi de l'urgence de l'indépendance du Québec. Mais la peur économique. Puis cesser de se défendre aussi, mais plutôt d'attaquer. Commencer réellement là, à critiquer le régime politique canadien dans lequel c'est on vrai? Vit, puis dans lequel on subit, que ce soit l'assurance chômage ou plein d'autres mesures, dans le fond, ouais, d'axer sur la critique du régime politique. Et c'est là que le républicanisme peut être vraiment intéressant parce qu'on redonne le pouvoir et la parole aux citoyens. Puis, dans un petit flash comme ça, là, dans le modèle républicain, qui est basé surtout sur les États-Unis, dans le fond, c'est le pouvoir du peuple de destituer des élus qui font pas leur travail. L'affaire. Exact. Ouais. Ça, c'est génial. Mais même aujourd'hui, on pourrait, si le peuple vous... Dans l'absolu... La Constitution canadienne, pas l'interdit... mais le mentionne pas. OK. Comme supprimer ce droit, okay. alors que la Constitution états-unienne le donne, ce droit-là. Oui, vraiment. Puis ouais. les gens, en tout cas, le savent et le prennent s'il y avait problème. Là. En tout cas. Hein. Mais encore là, tout ce qui est programme, là, mais y a, comment on pourrait, mettons, obliger, mettons, je sais pas moi... on va parler justement les pensions, les retraites, etc. Les trucs, il y en a, c'est des programmes qui sont des fois fédérales. Mais comment on pourrait, mettons, exiger d'avoir l'argent que nos travailleurs ont déjà mis dedans? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais... Ça serait compliqué quand même. Hein? Ben c'est parce qu'on a des actifs puis des passifs okay. dans le Canada. Le passif, mettons, c'est la dette, là, des choses ouais. qu'on leur doit. Mais des actifs, c'est parce que, mettons, à l'origine, en 1867, on était 4 provinces fondatrices du Canada. Oui. Donc, dans la construction du Parlement, dans la construction d'autres infrastructures, le Québec a payé 25 % de ces abattements-là. Ouais. Donc, le Québec peut revendiquer 25 % de ces actifs-là. Donc, on a quand même une marge de manœuvre okay. au point de vue économique. Et au point de vue territorial, moi, je pense que c'est le fleuve Saint-Laurent qui est sur notre territoire et qui est la porte d'entrée du marché canadien. Tout à fait. Donc, s'ils veulent passer sur notre territoire puis continuer à polluer notre fleuve, ben on ouais, va avoir notre mot à dire. Oui, c'est là. Ça, exactement. Oui, c'est bon. Ouais. Tout à fait. Fait que ça, c'est des arguments qu'il faut remettre de l'avant. Ben, c'est pour ça que j'aime ça. Donne-moi ouais. ça, j'aime ça d'avoir des arguments. Et puis, finalement, le forum s'est terminé sur 20 propositions qui ont été adoptées par les panels okay. et qui vont être rediscutées par la suite et que d'ici un an, il va y avoir une nouvelle assemblée. Ouais. Puis même, peut-être, ça va devenir annuel, là, ce genre de rencontre-là. C'était vraiment intéressant. Et le Conseil de la souveraineté du Québec a fait un sondage là, récemment et ils ont décidé de changer de nom pour mieux refléter leur rôle dans la convergence des forces indépendantistes. Et il y avait trois choix. Le Conseil pour l'indépendance du Québec. Qui est assez clair et simple. Oui. Parce que dans le fond, on laisse la souveraineté de côté. Moi, c'est ce que je me dis. Souveraineté, remet... faut oublier ça. Ouais, là. Ouais. Puis on remet de l'avant-plan l'indépendance, qui est vraiment souveraineté, claire. Moi, je trouve c'est comme te faire une chambre dans la cave de chez tes parents. Ouais, ouais. Tu sais, oui, t'es comme chez vous. Tu vis dans le sous-sol. Tu vis dans le sous-sol. C'est eux autres qui payent l'électricité encore. Des fois, maman te fait un repas encore. Ouais. Souveraineté, moi, je trouve ça ressemble à ça. On est mieux vers l'indépendance. Exactement. Le deuxième nom, c'était la Coalition pour l'indépendance du Québec. Oui. Fait que déjà là, c'était intéressant. Et sinon, celui qui a gagné, c'est Organisation au pluriel, Organisation unie pour l'indépendance. Et l'acronyme, ça fait OUI. Ah, en plus. Donc, Organisation unie pour l'indépendance du Québec. Donc, OUI Québec qui a gagné avec 51 %. Il y a eu 700 votes en ligne. Mmh. Et au début, il y avait 20 choix. Et puis, ça a terminé. Ah, là. Mais... Donc, un nouveau rôle de coordinateur pour diriger et coordonner l'action militante indépendantiste, qu'elle soit partisane ou non. C'est beau. Ouais, c'est un pas en avant. Ah, vraiment, c'est bien. On a aussi parlé de la mission Lever le vent, nouveau pays. C'est des jeunes de ma génération qui sont partis en Catalogne et aussi en Écosse pour appuyer les mouvements indépendantistes dans les autres pays. Puis ils ont fait beaucoup là, de partenariats, ils ont beaucoup appris. On est appuyé aussi de leur part. Fait que déjà là, c'est intéressant de continuer à promouvoir une reconnaissance internationale et des nouveaux partenaires avec d'autres peuples qui sont en lutte. Exactement, ouais. Exactement. Vraiment. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le référendum, c'est un moyen. C'est pas une finalité. Mm-hmm. L'objectif, là, ça reste de faire un pays. Fait que les indépendantistes, là, faut qu'ils reviennent sur les raisons, les motifs, puis surtout d'actualiser le débat sur l'indépendance par rapport aux politiques fédérales, par rapport à nos propres politiques. Mais je pense que le truc que tu dis là avec les 92, le livre que tu as acheté... Oui, les 92 blocages. Là. Parce que tu sais, les jeunes, c'est plate à dire, mais tu lui parles d'histoire, puis la plupart s'en crisse pas mal. Ouais. Tu sais, je le prends avec les vrais mots. Là. Tandis que si tu lui amènes des trucs stables et vrais, vérifiables, aujourd'hui, en 2014, là, mm-hmm. ben, ils sont pas cons quand même, les jeunes, puis ils vont être capables de... Puis quand je dis les jeunes, c'est les jeunes à large, puis même d'autres, mais ils vont être capables de comprendre si tu lui donnes justement des raisons à eux. Là, parce que tu vas lui parler des patriotes, il y en a beaucoup que ça les touche, mais d'autres qui s'en foutent complètement. Mais si tu lui dis qu'ils vont avoir les rênes de leur propre univers, de leur propre pays, ben, c'est autre chose. Et les raisons pourquoi, ben, je pense que les jeunes sont capables de voir du concret là-dedans. Des fois, ils voient l'histoire comme un jeu vidéo. Là. Ils voient ça comme si c'était... Ben oui, c'était avant, mais là, on est là. Ouais, comme si ça n'avait plus de lien. Ça n'avait plus de lien, tandis que c'est bon pour le comprendre, mais si on a des raisons qui sont actuelles, je pense que c'est comme ça qu'on va aller les chercher le plus facilement, puis le plus aussi avec de la véracité, avec du vrai. Ouais. Tu sais, c'est pas juste des idées, comme tu dis, de dire « Ah, oh, on fait l'indépendance. » Il y a une raison en arrière de tout ça. Il y a plusieurs raisons. Ben c'est ça. Il y en a plusieurs raisons, mais c'est ça, c'est pas juste... C'est après, tout va être à faire. Là, t'sais. Mettons que demain, c'est l'indépendance. Après, tout est à faire. Ouais, c'est loin d'être la finalité, comme tu dis. Puis, un des grands débats qui est sorti en fin de semaine, c'est l'importance de la Constitution. Oui. Au Québec, on n'a pas de Constitution encore parce qu'on n'a pas encore signé, on n'a pas ratifié celle de 1982. Mm-hmm. Et donc, de plus en plus, le mouvement indépendantiste est en train de comprendre qu'il faut se doter d'une Constitution. Propre à nous. Oui, tout à fait. Et peut-être même avant le prochain référendum. Dans le fond, que on va, les indépendantistes veulent lancer une démarche d'assemblée constituante, un peu comme Québec solidaire propose, mais vraiment en dehors des partis politiques, et que après ça, ça soit un référendum constitutionnel. Donc le référendum. Est-ce que vous acceptez cette constitution? Ouais, exactement. Et par le fait même, déclarer l'indépendance du pays. Ben, je pense que c'est plus logique, moi. Parce qu'il faut que tu saches où tu t'en vas. Si tu dis, on se sépare, on n'est plus avec vous. Ben, il faut que tu aies quelque chose là, avant. Il faut que tu aies des lois. Il faut que tu aies un genre de code de conduite du pays. C'est la colonne vertébrale d'une société, la Constitution. C'est les principes de base et les règles. Les droits de chacun. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est une très, très bonne chose qu'il y ait eu cette destination cette fin de semaine. Oui. Et quand ça va donner du temps que je n'ai pas un million d'autres choses, j'ai le goût de m'investir, vraiment. Parfait. Vraiment le goût de m'investir là-dedans. Ben, j'invite nos auditeurs à prendre contact avec le Nouveau Mouvement pour le Québec s'ils veulent devenir bénévoles pour la cause et surveiller l'opération Bélier là, porte-à-porte à la fin d'octobre là, pour continuer à répandre la bonne idée d'une indépendance totale pour le Québec. Avec l'Organisation unie pour l'indépendance. Oui. Génial. Merci beaucoup, Jeff. Ça fait plaisir. Ben, on va se laisser en musique avec Tic Tac, hein, parce que ça tourne, là, le cadran tourne. Kate Kuna. Oui, on va aller écouter ça tout de suite. Et on se rejase la semaine prochaine. Oui, Jeff. Merci, bonne semaine. Merci beaucoup à toi. Syrie, en Somalie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort. Les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. On accueille Anne-Marie Gauthier. Oui. Nouvelle chroniqueuse depuis la semaine passée à l'émission. On l'apprécie énormément. On l'apprécie la semaine passée, on l'apprécie dans le futur. On l'aime plus que la dernière fois, même moins que la prochaine. Je pense qu'on peut se faire un plan sur 300 ans. 300 ans environ. Sur l'exponentialité de l'amour. Il faut qu'on lui trouve un nom de chronique. Ben, t'as pas encore dit bonjour, je pense, Anne-Marie. Donc. Ouais, ouais. Bon matin. On va te laisser insérer le bonjour. Quand même important. Là, maintenant, on peut... parler sans te laisser placer un mot. Non, c'est ça. Il faut qu'on trouve un nom de chronique. Moi, j'ai pensé à... T'sais, parce que tu vas faire des coups de cœur, un peu des choses que t'aimes dans la vie en ce moment, mettons, tu sais. Ben là, slim tant que ça, Anne-Marie Ledon. Comme Marie Ledon. Anne-Marie Ledon. Oh mon Dieu, pour vrai, je savais non? que ça allait être mauvais, mais pas à ce point-là. J'avais averti au moins que ça allait être mauvais. Non, non, mais j'étais pas prête à temps. Là. Non, OK. Aïe, aïe. Tu sais, si c'était, mettons, une chronique sur les chirurgies oculaires, ça aurait pu être Anne-Marie Lazic, tu sais, comme Lazic Eye Surgery. Sinon, ça aurait pu... Sinon ça, si ça avait été sur la musique, vraiment, ça aurait pu être Anne-Marie Lazic, là, tu sais, ouais. Comme Zic, comme le. Dans le fond, c'est du tout ski. Mais c'est tout ski, donc Anne-Marie, tout ce qui l'intéresse, là, tu sais. Tout ce qui m'intéresse. Steph est vraiment perturbé, je pense. Oh. Anne-Marie Ledon! Bon, donc aujourd'hui, de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui, Anne-Marie? En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau groupe, les Ratons Lovers. Puis je vais vous parler aussi du spectacle des Black Keys qui s'est produit jeudi passé au Centre Bell. Ouais. OK, mais commençons avec les Ratons Lovers. C'est vraiment très, très hot comme nom. C'est vraiment parfait. Oui, en fait, jeudi, le 11 septembre dernier, c'était le lancement de leur premier album, les Ratons Lovers. Donc, l'album se nomme comme le nom du groupe. C'est un groupe pop-rock aux accents indie. Les quatre musiciens proviennent de Québec. Puis, le nom du groupe en dit long, en fait, sur leur identité artistique. Raton, pour leur côté plus rock incisif, mais avec un petit penchant lover qui met en valeur la grande sensibilité de chacun des membres de la formation. Donc, l'album a été conçu pour être écouté Le volume au maximum, qui est, comme a dit Simon Guénard, qui est le chanteur, qui est le guitariste, pardon, de la formation. Donc, avec raison, l'album est excellent à écouter. Les paroles sont recherchées. Les pauses musicales laissent place à des solos, parfois de guitare, parfois de clavier. Puis, ils sont tous interprétés d'un talent né. En fait, les quatre membres du groupe se sont rencontrés au cégep, qui étudiaient justement en musique. Puis, sont ensemble depuis 8 ans, puis au sein de différents groupes. Donc, sur scène, leur complicité se démarque. Ils offrent un spectacle à voir et à revoir plus d'une fois. En plus d'avoir sorti un album à écouter sur Repeat, l'album Raton Lover est maintenant disponible sur iTunes. Donc, vous pouvez aller télécharger les chansons. Je vais vous faire écouter un de leurs succès. C'est Teki Twe. Donc, pour les gens de Québec, vous l'avez probablement entendu, là, ça commence à passer là, sur la radio de Québec. OK, bon, on écoute ça. Les ratons lovers, ratons pas ça. C'est... Ah, boy, ça s'améliore pas, hein. T'as besoin de moi. Quand c'est rendu que tu me tasses pour faire avancer ton succès, tes projets pis ta réalité. Oublie ça, j'suis pas celui que t'écrases pour les réaliser. J'suis parti, le temps a bien joué son rôle. T'es mal pris pis là tu changes ton fusil d'épaule. C'est fini, plus rien à faire de tes rêves en canne. T'as-tu compris? C'est la dernière fois que je te dépanne. C'est la dernière fois que je te dépanne. Qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est que t'es toi? Qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est que t'es? Qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est que t'es toi? Pour me parler comme ça. T'as du talent pour me faire des leçons de vie. Naturellement, tu fais pas ce que tu dis. Naïvement, jusqu'ici j'avais pas compris qu'à tout moment tes actions te contredisent. Tu m'as comme tu respires. Someday. Ben oui, on a fait tout un bout de chemin. Pour l'instant, ça ira pas plus loin. C'est clairement Anne-Marie Gauthier de la chronique. Ben là, si tu l'aimes tant que ça, Anne-Marie Ledon. c'est pas meilleur la deuxième fois, hein, non. Ni la troisième, je t'avertis tout de suite pour tantôt. C'est pour la prochaine fois. Donc, Anne-Marie, on vient entendre Raton Lover. Oui. Groupe de Québec. Mm-hmm. Magnifique. On va écouter une deuxième pièce tantôt. Mais avant ça, tu as une deuxième partie pour nous de chronique. Oui, effectivement. En fait, j'ai été voir le spectacle des Black Keys jeudi passé. Donc, pour ceux qui connaissent pas le groupe, c'est un groupe de blues rock américain originaire de l'État de l'Ohio. Donc, le groupe est composé du chanteur et guitariste Dan... OK, excusez-moi, le mot anglais. Auerbach. J'ai aucune idée, je sais pas. Quarterback. Il est QB. Ouais, c'est ça. Et du batteur Patrick Carney. Donc, j'ai vraiment apprécié le spectacle de jeudi passé. En fait, ils ont interprété plein de chansons de leur répertoire comme Howlin' For You, Tighten Up, Next Girl, Gold, On A Ceiling et j'en passe. Donc, pour moi... qui est une grande femme et qui les aime d'amour. J'aime un peu moins leur nouvel album. Je trouve qu'il fait un peu trop pop. Oui, c'est la raison pour laquelle j'imagine qu'ils jouent sur les radios un petit peu plus pop de ces temps-ci. Mais leur ancien matériel reste super, super bon. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça. C'est que je trouve qu'il est un peu trop pop, qui est moins représentatif de qu'est-ce qu'ils font d'habitude. Donc, ils ont joué, en fait... Ils ont joué beaucoup de leur ancien succès, donc que j'adore. Je m'attendais à ce qu'ils jouent vraiment beaucoup de tunes de leur nouvel album, puis jouer quelques-unes de leurs anciennes, admettons, en rappel. Mais non, en fait, ils ont joué vraiment beaucoup de leurs anciennes chansons, donc c'était merveilleux. Ils avaient vraiment une mise en scène qui était colorée et vraiment originale. Ils ont mis le paquet vraiment sur le sensationnel. Il y avait des effets visuels sur les écrans qui projetaient ce qui se passait sur la scène. Qui avait un décor digne d'un théâtre avec un gros rideau rouge. Puis les Black Keys, en fait, ont vraiment donné tout un spectacle. Ça a mis vraiment le monde dans l'ambiance. Ça a fait vraiment un effet de « wow ». C'est vraiment à la fin de la première chanson de leur nouvel album « Turn Blue ». La dernière note de guitare du guitariste Dan a fait tomber le rideau théâtral rouge derrière la scène. Donc, ça laissait place à plein d'écran qui grichaient avec des jeux de lumière. C'était vraiment impressionnant. Puis à la fin du spectacle, la foule se demandait vraiment si les Black Keys allaient faire un rappel, puisque ceux qui vont voir beaucoup de spectacles avant savent que les artistes retournent sur scène pour un rappel d'environ 5 minutes après que le spectacle ait terminé. Mais ça a quand même pris un bon 15-20 minutes avant qu'ils retournent sur scène pour faire un rappel deux chansons seulement. Ils voulaient garder que les vrais du public, là, les vrais fans qui restent. Là. Probablement, les gens n'arrêtaient pas de crier là, durant 15-20 minutes. Ils voulaient vraiment un rappel. Puis ils ont fait un rappel de deux chansons, dont Little Black Submarine, qui était vraiment la cerise sur le Sunday, comme on dit. C'était joué par Dan, le guitariste, sur une guitare acoustique, seulement éclairée par un jet de lumière dans la pénombre de la salle. C'était tout simplement délicieux. Pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, elle débute vraiment tout en douceur, puis se poursuit à la guitare électrique. Donc, il a vraiment accentué là, la guitare acoustique. Il l'a comme étirée là, plus longtemps là, comparé à la vraie chanson. C'est étant donné que c'était vraiment bon, je voulais juste vous en parler ce matin. Je voulais vous passer aussi un extrait de... En fait, une de leurs chansons de leur ancien album, mais là, je pense qu'on... Non, c'est ça, on n'a pas Internet en ce moment. Par contre, ce que je peux t'offrir comme alternative, tout ce que j'ai de Black Keys, c'est peut-être que tu l'as jamais entendu, la chanson thème de C'est un fait, hein, c'est du Black Keys. Oh, juste, ça c'est juste bon. Juste pour toi. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est du Black Keys. Wow. Juste pour toi. C'est vraiment juste pour toi. C'était bon. Moi, j'ai bien aimé ça. Bravo. Merci. Apprécie-le, surtout. C'est tout ce qu'on a. Mais le reste, c'est du Black Keys qui joue en arrière aussi. Mm-hmm. Ouais. Donc, étant donné qu'on n'a plus de Black Keys, on va jouer une deuxième chanson de Raton Lover. Oui, effectivement. On va jouer Marie de leur album Les Ratons Lovers. Marie, tes yeux brillants, ils sont pleins d'eau quand tout fout le camp. Marie, ton sourire d'enfant, de tranchant couteau, tu mords au sang. Je te supplie, tu t'enfuis, je t'en prie, je m'enlise, tu m'épuises, je dégrise. Marie, t'es comme un cadran pour casser mes rêves, tu sonnes. non. Raton Lover. Raton Lover, comme vous le voulez. Avec la pièce Marie. Sur leur album qui porte le même nom, Raton Lover. Oui, voilà. Ça. Des fois, difficile d'embarquer sur l'anglais quand tu viens de dire un mot en français. C'est Raton Lover. J'aurais tendance à dire Raton Lover. Raton Lover. Ouais. Donc, on l'a dit tantôt, groupe de Québec. Et si vous aimez ça, ben, Caroline, je pense qu'on va l'avoir dans la discothèque de C'est Fou. Hein? Oh, ho, ho! Bravo à nous! C'est félicitations, ça. Anne-Marie Gauthier, merci. Merci. On te retrouve lundi prochain à 8h30. Oui, 8h30. Pour une autre chronique. Du tout ski. Non, Mathieu. Faut que je me retienne. Faut qu'on m'attache les mains. En fait, les mains m'empêcheront pas de parler. Fait. Ben non, ouais. Qu'est-ce que ça va faire, finalement? C'est pas très productif de m'attacher les mains pour ça. Si t'avais été sourd, peut-être que t'aurais pu le dire avec tes mains. Mais dans ce cas-là, tu ferais probablement pas de radio, peut-être plus de la télé. Je sais pas, Peut-être. Ah, du photoroman. Oui, ben oui. C'est vrai, ça. Ça existe ça encore, des photoromans? Ben, si c'est magazine avec des photos avec du texte en dessous, ben, t'sais, dans les bulles. Sûrement quelque part dans le monde. C'est comme des bandes dessinées, man. Je sais pas. C'était pas une à la mode des années 90, ça. C'est une des seules modes à des années 90 qui n'est pas encore revenue, ça. Ils ont ramené les montres bracelets. Ouais, ouais. Ils ont ramené les scotchies. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont ramené les bonnes choses. C'est ça, les salopettes, hein. Ah, c'est non, les bonnes choses, là, mais. C'est pas toutes des bonnes choses, je trouve. Bref. Oups. Merci, tout ce qui. Anne-Marie aussi. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Là, on rentre dans un petit segment coquin. Ben oui, c'est des nouvelles insolites à tendance sexy. La semaine passée, je vous avais envoyé le titre. On n'en a pas parlé. Je le sais, vous êtes tous au bout de mes lèvres pour entendre parler des 12 choses à savoir sur le pénis. Eh bien, on l'a dit. Hein? C'est comme ça que ça se dit. Ah, le pénis, source de plaisir et parfois source de questionnement, ce membre masculin n'a pas fini de faire parler de lui. Alors, voici les 12 faits intéressants que vous devez savoir sur cet engin. Premièrement, le pénis record, c'est un dénommé Jonah Falcon. Je pense qu'on en a déjà parlé quelques fois ici. C'est un Américain qui détient le record du pénis le plus gros, le plus long du monde. Au repos, son pénis mesure 23,14 cm. Ça, c'est au repos. Contre 34,19 cm en érection. 34 cm, imagine une règle de 30 cm. Ajoutez-en 4 au bout, ça commence à faire de l'engin. En n'ayant eu recours à aucune chirurgie impressionnante, si on pense que le vagin a une profondeur, lui, plutôt de 8 à 10 cm environ. Ça veut dire que lui, il fait l'amour à distance. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. Avec le pénis, on peut avoir des érections à tout moment. Hein. L'homme aurait plus de 11 érections par jour et environ 9 pendant la nuit. Ces érections ne sont pas toujours reliées à des pensées sexuelles, puisque bien souvent, ce sont plutôt des réflexes involontaires, signes d'une bonne santé physique. Pratiquement rien à voir avec le fait que l'homme penserait au sexe 18 fois par jour. Quoique... les facteurs nuisibles pour le pénis et l'érection, bien sûr, c'est le tabac, l'alcool et les drogues qui ont un impact très négatif sur la capacité d'érection. Ils agissent directement sur la qualité de la circulation sanguine et ce sont les facteurs les plus nuisibles pouvant causer un trouble de dysfonction érectile. Donc, attention avec le tabac, l'alcool et les drogues. Sinon, se fracturer le pénis, oui, c'est possible de se fracturer le pénis. Ben oui, le pénis n'est pas un os, mais étonnamment, il est tout de même possible de se fracturer la verge. La fracture du pénis est souvent le résultat d'une relation sexuelle trop brusque ou lorsque l'homme tombe en bas de son lit pendant qu'il a une érection. Comme c'est le corps caverneux du pénis qui est fissuré, c'est une blessure qui peut être très, très douloureuse. Donc, attention à la fracture du pénis. Hein? Et un petit plâtre sur le pénis, non, ça marche pas, je pense. Hein? Au 19e siècle, on parle du pénis dans l'histoire cette fois-ci. Au 19e siècle, on croyait que les hommes naissaient avec une réserve de sperme et qu'il fallait l'économiser. Hein? C'est pour ça que la masturbation était interdite et certains hommes dormaient même avec des poids sur le pénis afin d'éviter les érections nocturnes et peut-être surtout les éjaculations nocturnes, hein, parce que fallait réserver notre petite quantité de sperme pour pouvoir se reproduire. Hein? Le pénis de plus en plus petit. Eh bien oui, le pénis, malheureusement, mesdames, pour vous, le pénis tend à diminuer de génération en génération. Une étude qui a analysé plus de 25 000 hommes a indiqué qu'il y a 10 ans, la taille moyenne d'un pénis était de 15,24 cm. Aujourd'hui, la moyenne serait plutôt de 12,95 cm. Plusieurs causes environnementales seraient responsables de cette perte de 3 cm, dont l'exposition aux pesticides et autres substances nuisibles. Alors, c'est peut-être une bonne raison pour que les jeunes femmes, aiment les hommes plus vieux. Ah, question de grandeur. Grosse question qu'on pourrait dire. Sinon, on apprend malheureusement aussi que le cancer du pénis est en hausse. Plutôt méconnu, ce cancer est tout de même en hausse selon l'association britannique ORCID, spécialisée dans le traitement des cancers masculins. Il est possible de traiter ce cancer adéquatement s'il est dépisté à temps. Alors, n'hésitez pas à rencontrer un médecin si vous détectez quelque chose d'anormal. Tout à fait, hein? Tu veux pas te faire une ablation du pénis. On apprend que deux pénis, c'est mieux qu'un. Oui, hein? Pas nécessairement, moi, je trouve. Il existe une malformation génitale rare nommée le diphalia, qui consiste à avoir deux pénis, il n'y a pas de T, Dan. Une naissance sur 5,5 millions en serait atteinte, mais aucun cas n'est identique, que ce soit d'avoir deux glands sur un pénis ou une duplication pénienne complète. Cette malformation entraîne souvent des complications dues à la complexité du système rénal. Beaucoup de ces hommes optent pour l'ablation d'un des deux pénis. OK, ça fait mal, hein? Sinon, si on parle pénis et le vieillissement, c'est un fait. Plus les hommes vieillissent, moins leurs érections sont fermes et plus la période de repos nécessaire entre les érections doit être longue. L'homme qui peut aussi déceler que l'érection survient moins facilement qu'auparavant et que la quantité de sperme est peut-être moins importante à l'éjaculation. Nul besoin de s'inquiéter, ces changements sont causés par une diminution de la production de testostérone lors du vieillissement. C'est normal, nous dit-on. On apprend aussi que le pénis n'est presque jamais droit. Hein? Plusieurs hommes s'inquiètent quant à la courbure de leurs membres. Pourtant, rares sont ceux qui en ont des bien droits. Que ce soit vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou la droite, nul besoin de s'inquiéter. Par contre, si la courbure s'accentue de plus en plus avec le temps, il est important d'aller consulter un médecin. Cela pourrait être dû à la maladie de Peyronie. Ah, on ne le savait pas. Circoncis ou pas? Eh bien, outre la religion, un des motifs principaux à la circoncision est la santé. Certains hommes peuvent ressentir de la douleur lors de l'érection car leur prépuce peine à se dilater correctement. Lorsque c'est le cas, les médecins optent pour la circoncision. En ce qui a trait aux préférences féminines, il semble que ce ne soit pas un facteur très important. Ça dépend des filles. OK, enchanté. De quoi on nous parle? Il y a un petit fait de plus, là. On apprend qu'en Australie, la tribu Walibri ne se serre pas de la main en guise de salutation, mais bien, il se serre le pénis. Vous avez compris, donc, enchanté, c'était pour ça. En Australie, la tribu Walibri, W-A-L-I-B-R-I, Walibri, ne se serre pas la main, mais bien le pénis en guise de salutation. Hein? On va se coucher pas mal moins niaiseux aujourd'hui. Toujours restant dans le niveau du sexe et de l'entrejambe masculin et féminin, eh bien, on vous parle d'une exposition qui a été très hot cet été à New York. Un château gonflable où l'on saute au milieu d'énormes seins, un mur d'escalade où les prises sont des pénis. L'été a été chaud au Musée du sexe de New York. Cris, rires et selfies. Le château gonflable, sauté pour le plaisir, est l'attraction majeure pour son exposition. Réalisation d'un duo londonien, Bumpass and Parr, inspiré par les polissonneries des anciennes fêtes foraines britanniques ou françaises. Dans un coin peu éclairé du musée, les visiteurs y sautent joyeusement dans un décor de seins de toute taille et de toute couleur. C'est trop drôle, confie Michael Ann, une enseignante du New Jersey, ravie de ses jeux pour adultes. Ben, c'est clair, hein? Un autre ici dit « C'est mieux que je pensais qu'on fie Alissa, une infirmière de 25 ans qui préfère ne pas donner son nom de famille, alors qu'elle profite à New York d'une journée de tourisme avec deux de ses amis. » Le texte de présentation de l'exposition n'hésite pas à promettre une production d'endorphines comparable à celle libérée après un orgasme. Alissa a-t-elle donc atteint le nirvana? Elle éclate de rire. Non, mais j'ai mal à la tête et au début, un début de crampe. Je suis déshydratée, a-t-elle ajouté. Bumpass and Par, du nom de ses créateurs Sam Bumpass et Harry, est un studio londonien multicarte qui s'est d'abord fait un nom pour ses créations en jelly, la gelée de toutes les couleurs dont les Britanniques font des desserts. Le jelly, c'est le jello, hein, tout simplement. Ils ont réalisé 5 attractions pour l'exposition au pays du jeu Plaisir et Péril de la fête foraine érotique, Funland Pleasure and Peril and Erotic Fairground, qui durera à New York. OK. Ils espèrent la présenter ensuite à Londres. Parmi ces attractions, la montagne à tripoter, un mur d'escalade où les prises sont des fesses. Une montagne d'escalade, là, c'est vraiment des prises. Les prises, c'est des fesses, des pénis. Autre partie d'anatomie humaine et un tunnel d'amour, labyrinthe de miroirs qui se termine avec la sculpture d'un insaisissable point G. Autre attraction, le derby des préliminaires où l'on lance des balles pour faire avancer un pénis de bronze vers une ligne d'arrivée. Pour Sam Bumpass, le plus important n'est pas le travail en soi, mais la joie et les sourires qu'il génère. Tout semble grossier, mais c'est aussi très satisfaisant, dit-il à l'AFP, joint par téléphone depuis Londres. Il dit « C'est gentil, la sexualité est approchée avec humour ». OK, avec l'humour anglais, c'est très joyeux et forain. Il est étonné des réactions. Il pensait que l'exposition serait plus controversée. Il a traversé l'Atlantique avec sa sculpture du point G et sa voisine croyait à avoir les caisses qu'il vendait du vin. En quelques minutes, nous parlions de son point G, une conversation plutôt extraordinaire. Les gens tout autour tendaient le cou pour entendre tous les détails salaces. Selon Mark Snyder, directeur des expositions du musée situé sur la 5e avenue, quelques 10 000 personnes sont déjà venus visiter le Funland depuis son ouverture. Ça a été ouvert à partir du 26 juin. Le mieux, c'est ce que les gens en disent. Et ils disent « Je ne sais pas si je veux faire ça, le château de Saint ou le labyrinthe des miroirs. » Et après, ils passent vraiment un bon moment. Donc, les gens arrivent un peu gênés, mais finalement, s'amusent comme des petits fous. Vraiment très, très, très, très, très, très sympathique et coquin tout ça. Et puis tiens, on va s'en faire un dernier coquin avant d'aller en musique. Et comme on a parlé de pénis sans arrêt, eh bien, l'article ici, c'est un gadget. Il nous dit « Votre Zwiz ou votre pénis fait-il assez d'exercice? Demandez-le à SexFit. » Donc, en général, l'industrie du sexe et de la porno est à peu près toujours la première à exploiter une nouvelle technologie. On n'a qu'à en penser aux VHS, aux DVD ou autres trucs en USB ou à la diffusion en flux continu sur les internets, hein? On le sait, ça fonctionne. Et je suis pas mal certain que l'imprimerie et la roue ont aussi été utilisées pour faire des cochonneries moins de 14 secondes après leur invention. Hein? Ça, je suis pas mal sûr, moi aussi. Le feu? Peut-être aussi, mais bon, peut-être pas non plus. Toujours est-il que les montres intelligentes et autres objets connectés ont maintenant un petit frère, le SexFit, qui est un anneau pénien, un cock ring, qui mesure la quantité d'exercice que votre mini-moi chéri effectue pendant les galipettes. Hein, c'est-tu pas merveilleux? Il s'agit d'un prototype inventé par la compagnie anglaise Bondera et qui fonctionne un peu sur le même principe qu'un podomètre. Il détecte les mouvements et les changements de direction, communique les résultats à une application pour téléphone intelligent par Bluetooth et peut même vibrer à un rythme prédéterminé, probablement au cas où le porteur ne sait pas trop quoi faire, hein? Ou en tout cas, n'en fait pas assez peut-être. Une fois la partie de jambes en l'air terminée, on pourra consulter l'application pour calculer ses statistiques, nombre de calories dépensées, nombre de petits coups à la minute, et bien sûr la durée totale de l'exercice. On suggère au manufacturier de gonfler celle-ci artificiellement s'il veut inciter l'utilisateur à se servir du SexFit plus souvent. Ouais, mais le but, c'est d'avoir la vraie mesure, hein? Et si tout se passe comme prévu, le produit devrait être testé sur des humains d'ici la fin de l'année. La question qui tue maintenant est qu'est-ce qui serait le plus déprimant de savoir sur votre Zwiz? Eh bien, peut-être, ça serait assez déprimant de savoir que c'est la partie de votre corps qui fait le plus d'exercices ou pas, ou celle qui en fait le moins, peut-être, hein? Alors, pour vous, le SexFit, quand niaiserie est assumée, hein, de façon assez insolente. Hey, j'ai pas le goût d'aller en musique tout de suite. Je pense qu'on va s'en faire une autre ici. On va rester dans le sexy. J'ai le goût. Hein? On parle d'une cambrioleuse sexy qui affole les internautes et c'est une Canadienne. Après Jeremy Meeks, un criminel américain aux yeux bleus qui a émoustillé la jante féminine cet été, eh bien c'est une cambrioleuse canadienne du nom de Stéphanie Beaudoin qui suscite l'excitation des internautes, comme le remarque le site Mashable samedi dernier, d'autant qu'une photo en bikini de la voleuse qui a présumément commis une quarantaine d'infractions à Victoriaville est apparue sur le web. Donc, c'est la cambrioleuse sexy. La liste des accusations contre la présumée voleuse Stéphanie Beaudoin continue de s'allonger. Vous pouvez aller voir ça, il y a des liens. Et d'après le site Mashable, elle serait depuis surnommée la criminelle la plus sexy du monde sur Twitter. Certains utilisateurs assurent qu'elle peut venir voler leur cœur quand elle le souhaite. Et selon le Journal de Montréal, cette étudiante en soins infirmiers de 21 ans est également accusée, outre ses vols, de recel et de possession illégale d'armes à feu. Elle doit comparaître devant la justice le 17 novembre prochain. Allez voir ça et faites-vous votre idée sur cette charmante cambrioleuse. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Stéphanie, il y avait chaud tantôt, comme c'était pas possible, et là, soudainement, elle porte un foulard. Ouais, je sais pas, il fait comme une température bizarre. C'est mixte un peu. Mais bon, j'ai comme froid dans les os et chaud sur la peau. David, c'est un homme tiède, je te dirais. Pourquoi? Juste température pièce. Tablette. Mais tablette Android, pas tablette Apple, parce qu'il est tout en train de parler contre Apple. Tu veux dire iTunes? iTunes, excuse-moi, il faisait une pile contre Apple, tantôt il a dit iTunes, mais tu sais, c'était proche. Mais bon, on s'est dit nos quatre vérités pendant la pause. Fait qu'on est capable, on est prêt à entamer sa chronique Les Notes Salées. Non, moi je suis rancunier. Ben bon, t'es pas rancunier? Oui, mais c'est pas grave, on va écouter la bonne toune, ça va me calmer les nerfs. Donc Les Notes Salées, maintenant. Oh, tu manges des herbes salées! Des herbes salées du Bois-Saint-Laurent! C'est bon dans tes patates! Avec un petit peu de mayo! Tu peux même faire des marinades! Des vinaigrettes! Des herbes salées du Bois-Saint-Laurent! J'avais oublié qu'on avait une chanson à faire. Steph, une chanson était préparée comme toujours. Elle est toujours bien. Oui. Aïe, j'en reviens pas. C'était préparé combien de temps, Steph? Une bonne fraction de seconde. Environ. Wow, elle est débile, mais c'est une qualité. Moi, les deux dernières fois qu'on l'a fait, j'écoutais pas ce que Steph disait parce que je me concentrais sur mon super beat en arrière. Mais là, je l'écoutais, fait que c'est pour ça que je n'étais pas capable de dire le beat. Je le trouvais trop drôle. Bon. Ah oui. Donc, c'est Les Notes Salées avec David Ferron. Oui. Où on parle de musique de partout dans le monde, un peu. Je dirais que c'est un coup de cœur et un coup de masse. Ouais, là, cette semaine, j'ai décidé de mixer les deux parce que dans la vie, il n'y a rien de blanc ni de noir. Non, One World, comme on appelle. Ouais, exact. La communauté multiculturelle ensemble. Ou encore juste One Direction. Tu sais, la vie ne va pas juste dans One Direction. D'ailleurs, je salue Alexandra Carignan là-dessus. Je suis sûr qu'elle est vraiment contente d'entendre ça. Ben oui! Ben oui, je la taquine, mais non, c'est une super bonne chroniqueuse. Oui, oui, c'est vrai ça. Ben oui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la vie musicale en Iran. En Iran? Oui, qu'est-ce qui se passe en Iran? Des tempêtes de sable. Peut-être, mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est que la semaine dernière, il y a 6 Iraniens, 3 hommes et 3 femmes, qui ont été condamnés à 6 mois de prison pour avoir fait une vidéo sur la chanson Happy de Pharrell Williams. Le grand. Ah, oh, ben mon Dieu, il mérite. Ouais. Quelle toune de. T'as pas le droit de rien faire avec ça. Elle me frustre, cette chanson-là. Ça. C'est dégueulasse. Il est supposé rendre de bonne humeur, mais non. Non. Puis en plus, pour élever ton niveau de sadisme, Stéphanie, c'est que chacune de ces personnes aura le droit à 91 coups de fouet. Ah! Ben, Colin, des fantasmes réalisés. C'est leur droit, puis ça. Liberté d'expression. Ouais, et puis en plus, quand vous regardez le clip, on s'est dit, bon, ben le pire qui puisse arriver, c'est que l'œuvre se retrouve sur le site Petit Petit Gamin. Sauf que le problème, c'est que la loi en Iran, ça oblige les femmes à porter le hijab. Mm-hmm. Et aussi dans le clip, les acteurs, en fait, en réalité, ça ressemble à des hipsters. Ah oui, oui. Les hipsters iraniens. Oui, exactement, ça existe. C'est iranique. Oui, oh. Hey, mais il y a aussi des douchebags égyptiens. Un jour, je ferai une chronique sur les douchebags moyen-orientales. Wow. Oui. Mais pour l'instant, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que voir danser un homme et une femme, ça peut être considéré comme obscène. Donc, la vidéo, par la cour, a été considérée comme obscène. Mais voyons donc. Juste à cause de ça. Puis aussi, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, vous avez le pouvoir politique et l'espèce de tribunal religieux parce que le premier, en fait, le président du pays a dit que wow, fallait pas empêcher les gens d'être heureux. Donc, le président était quand même, ça le dérangeait pas trop, le président Ranier, mais la cour, qui est très conservatrice, elle a dit non, on vous met en prison puis on vous donne des coups de fouet. Parce qu'il faut comprendre qu'en Iran, en 1979, il y a une révolution politique, ce qui fait en sorte que l'Iran devient un État islamique. Donc, sont bannis des gens subversifs, en fait jugés subversifs ou évoquant trop l'Occident, comme le rock ou la pop. Donc, ce qui veut même dire que, par exemple, on parlait justement de Apple, que iTunes en Iran, c'est interdit. Oui, iTunes était interdit. Pas de iTunes? Non, pas de iTunes en Iran. Puis, t'aimerais-tu aller en Iran vivre les sables? Ben, si t'as pas le droit de faire jouer la tune Happy. Moi? C'est déjà mieux qu'ici? Oh. Oh! On blague, on pense pas ce qu'on dit, évidemment. Ben là. Non. Hein? Tu sais, comme par exemple, de dire que le fouet, c'est économique et écologique parce que oui. C'est réutilisable. Et quand je vais faire... on dirait pas ça, là, parce que c'est pas vrai. Ouais, là, mais en disant ça, c'est gaspillé ta salive, fait que c'est pas très écologique. Ouais, mais ça se régénère tout seul. Ouais, c'est une ressource inépuisable, la salive de la bouche de Steph. Juste celle de la bouffe de Steph. Comme un lama, c'est tellement cute. Ah, c'est ça. Moi, ça crache pas, ça, des lamas. Oui. Ben, comme toi. Ben oui. Dans ma face. Ben oui, tu craches des sottises. Oh. Je t'aime, Steph. Mes restants de compote de pommes. Alors, pour... Des Apple. Apple. Donc, pour retourner à notre thème, ça dérape toujours mes chroniques. C'est vraiment... Toutes les chroniques dérapent. Oui. Ah, je vous adore. Ça dépend juste de ceux qui embarquent. Mais on va réembarquer en Iran. En fait, comme on a dit que les artistes qui avaient une tendance pop ou rock étaient considérés comme des gens pervers en Iran, eh bien, les deux seuls moyens, en fait, de pouvoir diffuser leur musique, en fait, il y a deux gros moyens, c'est-à-dire soit fuir ton pays, puis aller soit en Europe, aux États-Unis, ou encore utiliser Internet. À ce moment-là, Internet... Par certaines stratégies, tu peux faire diffuser tes tunes. Et là, le monde à l'extérieur de l'Iran peut découvrir tes tunes, ce qui permet, par exemple, au groupe 127 de faire des tournées aux États-Unis parce qu'ils se sont fait découvrir par Internet. Et d'ailleurs, sur le groupe 127, j'ai une petite anecdote. C'est que sur la page Facebook, dans la section Group Interest, le groupe 127 dit, et là, je vais le dire en anglais puis je vais le traduire, « A world tour including Iran without city problems. » Un tour partout dans le monde sans de gros sales problèmes. Donc, ça veut tout dire. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que je vais vous présenter une chanson du groupe, c'est-à-dire « Rock and Harry ». Et après ça, ça va être suivi d'une pièce d'un autre groupe iranien. Mais ce groupe-là habite aux États-Unis désormais. C'est le groupe Kiosk avec Jonoun et Melly. Donc, National Lunacy. Dans les notes salées de David Ferron. همه حوزهای بی ماهی فرشتگان هر جایی همه رو فراموش میکنم نظر بنو گوش میکنم همه مشکلات ذاتی همه مایعات خاطی همه رو فراموش میکنم ناز تو پاپوش میکنم عزیزم عزیزم عزیزم تو خالی رسانه های خال خالی همه رو فراموش میکنم مهر تو رو توش میکنم همه روزای باد رفته پرندگان وارفته همه رو فراموش میکنم تو رو هم آغوش میکنم روزهای جوانی زیر زده هوایی خوندیم با هم آواز به صدای جاز بچه ها کوچک بودن فارغ از موشک بودن روشنایی که آمد بزم ما سر آمد ترکش عشق تو بر تانک من نشست زخم زبان تو اعصاب من گسست تو گشتی ناپدی برا مدتی مدی برگشت سوی تو گشت اثری از تو ندی چون پدیدار شدی سرد و بیمار شدی در چشمان تو نبود رنگ امید در این دوران طلایی نمیخوام را که انتحاری نمیخوام را به انتقادی فعل ما سال استمراری بیا با هم برخصیم از قرصا نترسیم بر پشت بام شهر تا بام داد سهر در این دوران طلایی نمیخوام راک انتحاری نمیخوام راک انتقادی فعل ما سال استمراری بیا با هم برسیم از قرصا نترسیم بر پشت بام شهر تا بام داده سهر بیا با هم بخونیم از جمع جا نمونیم بیا با هم بمونیم تا وقتی جوونیم کار ما ساسد و لنگاری فعل ما سال استمراری فعل ما سال استمراری بی راک انتحاری دست رو ماشه مغزا تعطیلات مشتا بسته دهنا بازه رسید سعادت بگفتی فرشته اومد تو نرو عزیز شب درازه با شمع مرده دنبال نوره میگن خورشید ته یه غاره جنون ملی تقدیس ظلمت تاریکی ها ماری انفجار قمار آخر همه روی هیچ تقدیر بد عکسش رو ماهه اسیر نفرت محروم نفرین عشق و آواز هر دو گناهه چشاتو بستی فکر کردی کل خوشبختی میاره جنون ملی اعدام آفتاب تاریکی در حال انفجار C'était la pièce Jonoun et Meli du groupe Kiosk, précédée de Rock Ntehari Azizam du groupe 127, tous les deux en provenance d'Iran. Si tu veux vraiment dans cet ordre-là, parce que je suis tout Meli, toute Meli. Meli, Meli, Meli. pas matin, hein? Pas matin. Fais pas ça. Mais non, faut pas que tu sois Meli. Ça tombe à plat. Donc, David Ferron, c'est les notes salées. On entend la musique de l'Iran aujourd'hui. Oui, exactement. Mm-hmm. On a écouté ça bien évaché, son Elran. Hein? Notre blague plate. Non, on fait pas ça, ces blagues plates à matin. Non, on les retire, on fait semblant qu'on fait rien. On est juste très sérieux. Tu sais, c'est comme ça. David Ferron. Autre chose à dire? Non, ça va être tout. C'est tout? Merci. Oui, ben, ça me fait plaisir. À lundi prochain, 8 ans. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Pourquoi le pantalon s'appelle-t-il ainsi? Hein? Pourquoi le pantalon est un pantalon? Eh bien, popularisé au milieu du 19e siècle, le pantalon moderne doit son nom au milieu du théâtre. Donc, étonnamment, le terme n'existe que depuis le 16e siècle et fait référence à Pantalon, un personnage de la Commedia dell'arte. Ce bouffon, très populaire à l'époque, était représenté par un vieillard avare et conservateur, bien reconnaissable à sa culotte longue, en opposition à la culotte courte portée par les gentilshommes qui s'arrêtaient aux genoux ou à mi-cuisse, qui était le pantacourt. Le nom pantalon a d'abord permis de qualifier une personne portant le même habit avant d'entrer dans le langage courant pour désigner le vêtement lui-même. Auparavant, on parlait de bret chez les Gaulois ou de chausses au Moyen-Âge. C'est comme ça qu'on appelait le pantalon des brets chez nos amis français ou les Gaulois et de chausses. Hein? Pas les chaussures, non, non, c'était la chausse tout simplement. Les ignobels hein, de 2014 célèbrent la peau de banane et les humains déguisés en ours. Eh bien oui, quel coefficient de friction entre une peau de banane et la chaussure qui lui marche dessus? Quelle réaction chez les reines qui voient des hommes déguisés en ours polaires? Les ignobels 2014 ont récompensé jeudi dernier à Harvard des chercheurs faisant rire et réfléchir. 10 équipes de 5 continents ont été distinguées lors de la 24e cérémonie des Ig Nobel Prize, à laquelle assistaient quelques 1100 personnes au théâtre Sanders de la prestigieuse université américaine près de Boston, dans le Nord-Est. Le prix de physique est allé à une équipe japonaise ayant étudié la friction entre une peau de banane et une chaussure, et entre la peau de banane et le sol quand quelqu'un marche sur la dite peau de banane. Hein? C'est toute une étude. Le prix Ig Nobel de neurosciences, lui, est allé à une équipe sino-canadienne de Pékin et de l'Université de Toronto, ayant cherché à comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau des gens qui voient le visage de Jésus sur leur pain grillé. OK. Le principe de ces Ig Nobel est immuable, organisé par le magazine scientifique et humoristique Les Annales de la Recherche Improbable, Annals of Improbable Research. Il récompense des chercheurs qui font d'abord rire les gens, puis les font aussi réfléchir. Les gagnants venus à leurs frais avaient 2 minutes pour leur discours de remerciement, une fillette de 8 ans étant chargée de faire respecter cette limite. L'anti-Nobel, ou l'Ig Nobel de psychologie, lui est allé à 3 chercheurs américains, britanniques et australiens, ayant recueilli des éléments selon lesquels les couche-tards seraient généralement plus narcissiques, plus manipulateurs et plus psychopathes que les lève-tôt. Et qu'est-ce qui se passe quand on est couche-tard et lève-tôt? C'est mon cas. Moi, je suis un couche-tard et un lève-tôt. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il y aura peut-être une étude de Ig Nobel sur mon cas. Est-il dangereux pour la santé d'avoir un chat? L'étude de chercheurs de la République tchèque, Japon, USA et Inde leur a valu l'anti-Nobel de santé publique. Tandis que le Ig Nobel de biologie a récompensé une équipe d'Allemagne, Zambie et République tchèque, ayant soigneusement documenté le fait que les chiens font leurs besoins en s'alignant généralement sur un axe nord-sud. Et on en avait parlé ici même au 19e dîner de cons lors de la sortie de ses résultats de recherche. L'Italie, elle, a remporté le Ig Nobel, dans la catégorie des arts grâce à Marina de Tommaso de l'Université de Bari, Michel Sardo et Paolo Livera, qui ont mesuré la douleur ressentie par des personnes regardant une vilaine peinture par rapport à ceux qui admiraient une belle toile. Mais qui a décidé, hein, de la belle toile et de la toile qui est laide? Qui a décidé qu'elle était belle, l'autre était laide? On ne le sait pas. Quand on leur tire dans la main avec un rayon laser. OK. On montrait les personnes regardant une vilaine peinture par rapport à ceux qui admiraient une belle toile quand on leur tire dans la main avec un rayon laser. C'est assez précis, hein, comme étude. En Norvège, deux chercheurs allemands et norvégiens, l'Université d'Oslo, Egil Reimers et Sindre Efstetol, oui, mon norvégien est très, très de base, hein, ont obtenu, eux, le prix de science arctique pour avoir testé la réaction de Rennes lorsqu'ils voient des êtres humains déguisés en ours polaire. Imaginez, là, il y a des études là-dessus. Un seul gouvernement a été distingué, celui d'Italie, dont l'Institut national des statistiques a remporté le Ig Nobel d'économie pour avoir fièrement pris la tête et rempli le mandat de l'Union européenne pour chaque pays, pour que chaque pays augmente la taille officielle de son économie nationale en incluant les revenus de la prostitution, des ventes illégales de la drogue, de la contrebande et d'autres transactions financières illégales. Wow! Les Ig Nobel, cérémonies pleines d'humour et de cocottes en papier, ont été remis aux gagnants par 5 vrais prix Nobel, soit Martin Chalfy de chimie en 2008, Carol Greider, physiologie et ou médecine en 2009, Dudley Hertzbach en chimie en 86, Eric Maskin en économie de 2007, Rich Robert, qui est un Nobel de médecine en 93, et Franz Wilczek, en Nobel de physique en 2004. La cérémonie a également donné lieu à la première d'un mini-opéra en 3 actes intitulé « Ce qui vous mange » sur des gens qui se nourrissent plus que de pilules. Ah ah! C'est une mini-opéra en 3 actes sur des gens qui ne se nourrissent que de pilules. Dans le rôle principal, la soprano Maria Ferrante et le baryton Scott Taylor, un chœur de microbes était composé de 10 chercheurs en biomédecine de la région de Boston. On voit vraiment le côté funny, le côté party animal des scientifiques. Je trouve ça génial de voir ce côté. Et restons toujours dans la science et l'invention. Je vous parle de la planche de wakeboard qui passe à l'électrique. Eh bien oui, les amateurs de la discipline troqueront peut-être demain le bateau pour des batteries au lithium. Fini le bateau, place à l'électrique. Une firme suédoise a mis au point une planche de wakeboard qui n'a plus besoin d'être tractée. L'objet est équipé d'un système de propulsion alimenté par une batterie d'une autonomie de 30 minutes pour une utilisation à pleine vitesse, soit près de 50 km/h. Mais on nous dit que pour le moment, c'est le maximum de la vitesse. Mais Radin, qui est la compagnie qui crée cette planche de wakeboard électrique, eh bien, espère dépasser cette limite d'ici la commercialisation qui a lieu en 2015. Quand d'autres planches sont conçues pour gagner en poids avec de nouveaux matériaux, celle-ci ne pèse pas moins de 30 kg. La direction s'opère grâce à une télécommande, de quoi révolutionner la pratique et séduire les cousins surfeurs. Peut-être les fans de l'overboard, hein, de Retour vers le futur aussi seront séduits. En tout cas, tous ceux qui ont un portefeuille bien garni puisque la planche affiche un prix de 14 000 euros. Mais il faut dire, hein, que faire du wakeboard, si on achète le bateau, l'équipement et puis le sens qu'on met dedans, eh bien, je vous invite à mettre votre main dans votre poche quand même parce que ça coûte assez cher. Et on s'en fait une petite ici qui est vraiment extraordinaire. Hein? C'est un homme qui... on nous dit la vie de cet homme vire au cauchemar après s'être blessé à la colonne vertébrale. Atteint du syndrome d'excitation génitale persistante, ce père de 2 enfants n'éprouve pourtant jamais de plaisir. Il s'appelle Dale Decker. Il est le premier homme atteint de cette maladie. Tout a commencé en septembre 2012. L'homme se blesse à la colonne vertébrale et sur le chemin pour aller à l'hôpital, il éjacule 5 fois sans raison. Il est alors diagnostiqué d'une hernie discale par un médecin qui lui annonce par ailleurs qu'il est atteint du syndrome d'excitation génitale persistante. Depuis 2 ans, l'homme âgé de 37 ans ne peut pas contrôler ses érections et il atteint au moins 100 orgasmes par jour. Mais il doit être rendu qu'il éjacule du sable là, à la fin, c'est pas d'allure. Une situation qu'il décrit comme horrible et dégoûtante. Imaginez-vous avoir 9 orgasmes à genoux. Attends un peu. Imaginez-vous avoir 9 orgasmes à genoux sur la tombe de votre père devant toute votre famille. Je n'ai plus jamais envie d'avoir un orgasme, a-t-il confié au Daily Mail. J'avoue, hein, on peut comprendre. Sa condition est très handicapante au quotidien. Dale Decker, qui habite dans le Wisconsin aux États-Unis, ne peut évidemment pas travailler. Son épouse supporte la famille financièrement, se charge de faire les courses et de conduire les enfants à l'école. Le couple dort rarement ensemble et l'homme évite de rester trop longtemps près de ses enfants. Ce n'est jamais agréable, même si c'est bon physiquement. OK. Les orgasmes deviennent dégoûtants puisqu'ils surviennent en public et souvent devant des enfants, a-t-il poursuivi. En 2012, Gretchen Nolanen, une femme atteinte du même syndrome, s'est suicidée après 16 ans de combat contre cette maladie, ne pouvant plus supporter son calvaire. Comme on dit, trop, c'est comme pas assez, hein? C'est hallucinant. Complètement. Sur ce, eh bien, je vous propose d'aller écouter une pièce de Bernari. OK, Bernari. Une pièce qui s'appelle Sagar. Et Sagar, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, ben, en tout cas, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le domaine de la forêt couramment appelé Sagar. C'est un domaine forestier de 76,3 km. Il est situé à Sagar, un territoire non organisé de Charlevoix au Québec. Il appartient à la succession de Paul Desmarais. Le domaine de la forêt est accessible par la route 170 qui relie Saint-Siméon au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le cœur du domaine est accessible via un chemin privé long de 10 km. Ils ont leur monde. Sagar est parcouru par la rivière Petit-Saguenay, une rivière à saumon et le ruisseau Saint-Laurent. Ils peuvent être autosuffisants. Selon l'histoire, le biographe des Desmarais, M. Robin Philotte, nous dit que le domaine a été acheté par Canada Steamship Line en 1974 au coût de 1 $. OK. Power, c'est hallucinant. Le domaine est acheté. Canada Steamship Line, c'était M. Paul Martin qui était propriétaire de ça. La même terre est vendue à Power Corporation en 1976, puis à Paul Desmarais en 88. On nous dit que c'est en 81 selon TVA. Les travaux sur le domaine commencent en 1997. Le manoir est de style Renaissance italienne. Il est inspiré de la Villa Foscari ou la Molancontetta de l'architecte Andrea Palladio situé à Mira près de Venise. Le bâtiment compte 2 étages. Il y a notamment la bonne réplique du penseur de Rodin en bronze. Un terrain de golf situé aux abords de la route 170 à l'entrée du domaine qui compte 18 trous. Selon Tiger Woods, c'est l'un des plus beaux au monde. Le domaine aussi compte un héliport. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait ça au Québec, juste à côté. Ben c'est comme pas au Québec, c'est sur un territoire non organisé. Il n'y a pas de loi, on peut tout faire là-bas. Il n'y a pas de problème. On nous dit que le domaine emploie une centaine de personnes en été, surtout pour l'entretien paysager et ménager. La plus grande partie du village voisin travaille en fait au domaine, d'où le surnom du seigneur de Sagar qui a été donné à Paul Desmarais par Robin Philpeau. De nombreux habitants du village se disent heureux, mais certains sont sous couvert de l'anonymat, déplorent le haut taux de roulement du personnel, les salaires relativement bas, ainsi que le chantage et les pressions forçant les employés à adopter des idées politiques de Paul Desmarais. Contrairement à ce qui a souvent été rapporté sur le site web, la famille Desmarais paie 375 000 $ en taxes foncières annuellement, ce qui représente 75 % des revenus du territoire non organisé de Sagar. Ben c'est sûr, mais c'est à eux. Toutefois, l'impôt foncier dans un TNO, un territoire non organisé, est 2 fois moins élevé que dans d'autres secteurs de Charlevoix. Selon le rôle d'évaluation foncière, aujourd'hui le terrain vaut 2 169 000. Il a été vendu 1 $, on se rappelle, en 79. Les bâtiments valent, eux, 41 150 000 $ pour une valeur totale de plus de 43 millions de $. Un tournoi annuel de bienfaisance auquel participent des milliardaires a lieu depuis ce temps. Là-bas, là, il y a eu de tout. Hein. On se rappelle, ça a fait beaucoup parler, mais ce qui a fait beaucoup le plus parler à Sagar, c'est la fête de Jackie Desmarais. Le 30 août 2008, une réception est donnée à Sagar pour l'anniversaire de Jacqueline. Jackie Desmarais, les Pouces de Tipol. Une grande salle de concert est construite pour l'occasion, des personnalités comme George W. Bush, Lucien Bouchard, ça c'est en 2008, hein? Lucien Bouchard, Brian Mulroney, Jean Charest, Adrienne Clarkson, Robert Charlebois, Luc Plamondon, Jean Chrétien, entre autres, sont invités. Selon le Quack, le coût de cette réception, le party, a été entre 12 et 14 millions de dollars. Dans la nuit du 29 au 30 mai 2012, la nébuleuse Anonymous, on se rappelle, hein, Anonymous, là, cette gang de hackers, un peu, on pourrait dire, diffuse une vidéo de 2 heures sur YouTube comprenant des images de l'événement. La vidéo commence par une revue de tournage montrant en accéléré la construction de la salle de spectacle, la préparation, tout. La deuxième partie montre l'arrivée des invités. La troisième, d'une durée d'1 heure et 4 minutes, montre le spectacle. La dernière partie, d'une durée de 20 minutes, a vraisemblablement été filmée lors du brunch le lendemain. Anonymous informe ensuite le Journal de Montréal qu'il dispose d'autres vidéos qui seront diffusées si le gouvernement du Québec continue de l'ignorer. Pardon. Le collectif déclare que cette vidéo met en évidence l'avarice de l'élite et que personne ne devrait avoir ce genre de pouvoir tant que tous les humains de la planète n'auront pas un toit sur leur tête et de la nourriture dans leurs assiettes. C'est assez hallucinant. François Bonnardel de la CAQ soutient que Jean Charest n'avait pas d'affaire à Sagard. Amir Kadir compare la vidéo au temps des bouffons de Pierre Falardeau. Le journaliste et essayiste Robin Philpott affirme que c'est très bien que ça sorte et accuse Jean Charest d'être redevable à Paul Desmarais. Hugo Damour, l'attaché de presse du premier ministre, accuse Robin Philpott de voir des conspirations partout. Nicolas Van Praat du Financial Post soutient que cette attaque d'Anonymous est absurde et ne sert qu'à embarrasser une famille puissante. Plusieurs spécialistes des médias comme Marc-François Bernier et Sylvien Rochelot se questionnent sur le fait que les publications comme La Presse et Le Soleil, propriété de Jessica, une filiale de Power Corporation Canada, ne font pas mention de cette vidéo. Le site web de Cyberpress finit par publier un article sur le sujet dans l'après-midi du 31 mai et le commissaire aux lobbyistes annonce ne pas se servir de la vidéo dans son enquête, affirmant qu'elle remonte à une activité, qu'une activité mondaine. Donc, tout ça, hein, toute cette information sur Sagard, j'espère que vous en apprenez plus. Allez sur Internet, allez voir ça. C'est un domaine qui existe où les gens riches et célèbres peuvent se sortir du quotidien, hein, et des lois pour aller vivre l'opulence. C'est génial. Sur ce, eh bien, on va aller justement écouter une pièce qui se nomme Sagard. Je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil à ça, mais en tout cas, vous saurez ça. On s'en va écouter la pièce Sagard de la formation Bernari. On écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Chuck Tony lui-même. Ouh. Moi-même. Est-tu tanné de se faire appeler Chuck Tony? Non, absolument pas. En fait, c'est un surnom qui colle avec moi, malgré moi, depuis quelques années. Ah oui? Bon, ben quand même, on est content de continuer cette légende qui est Chuck Tony. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. C'est la collègue plénaire du Club plénaire UTR. Ça vient-tu de ta tête, ça, ce son-là? Je sais plus, je sais plus. Bonjour, Chuck Tony. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Ça va très, très bien. J'attendais à ce que Steph me fasse une blague d'ours polaire, là, parce que là, apparemment, qu'elle a stické sur le fait que j'avais de la misère avec un monstre dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Okay. C'est un jeu qui se passe à l'extérieur. T'as vu le titre, c'est Gel Tropical. Oui. Et ça se passe à l'extérieur, fait que je peux en parler. Puis j'ai eu de la misère à battre ce monstre-là, fait que là, elle me parle d'ours tout le temps. Fait que l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a battu l'ours polaire dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bon. Non, mais tu cherches à ce qu'on en parle, là. Tu m'as même texté en fin de semaine. Hé, hey, je l'ai battu! Je shake! Loser! Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Juge-moi ben oui, non. Je suis en train de jouer à World of Warcraft quand j'ai vu ton texto. Si quelqu'un peut comprendre c'est quoi être un loser, c'est bien toi. Je ne pense pas. Non, je te jugerai pas. Enfin, moi aussi, dans mes temps libres, j'aime beaucoup. Je m'adonne beaucoup au pitonnage. Donc, On s'en reparlera. Ouais. Mais celui-là ne doit pas être à l'extérieur. Non. Donc, ça ne fait pas le sujet. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pardon. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler de la saison dans laquelle on est présentement. Je vous laisse deviner. Saison de hockey? Ça commence pas aujourd'hui. Saison des pommes. J'en ai aucune idée. Saison des pommes, on s'approche. Ah, c'est bientôt. Okay. C'est l'automne. Oui. OK, aussi simple aussi que simple ça. Que officiellement, ça. Depuis quelques jours, là, on est le 23 en direct. Exactement. Donc, depuis le 21 cette année. Ça, je me suis jamais c'est quoi la date. Ça change chaque année. C'est toujours autour du 21, 22, 20. Mm-hmm. C'est l'automne. Et l'automne, en fait, c'est une de mes saisons préférées. Mais une des quatre, c'est une des quatre. Facilement. Là. C'est ça. Dans son top 4. C'est ça. Mais c'est aussi, à mon avis, la meilleure saison si on veut commencer à faire des sports de plein air. Si on n'en fait pas beaucoup, qu'on veut s'initier un peu, c'est pas mal le meilleur moment de l'année. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a moins de bébites. Ah, ça! Ben oui. On a parlé des moustiques il y a 2 semaines, justement. Ben, c'est pas mal. Il y en a pas mal pu en ce moment. Fait que c'est quand même un bon moment pour commencer à jouer dehors puis se dire, il y en a pas juste les moustiques, vraiment toutes les sortes d'insectes ou autres animaux à plusieurs pattes, comme les araignées, par exemple. commence à rentrer en dormance, sont moins actifs, il y en a moins, il y a beaucoup de mortalité parce qu'il commence à avoir du gel la nuit. Donc, c'est le temps pour aller dehors si vous avez peur des insectes. Mais aussi, c'est le moment de l'année où est-ce que tout l'achalandage des sites touristiques de plein air va diminuer. Souvent, les gens, bon, comme nous, retournent à l'école ou recommencent à travailler, les vacances sont finies. Donc, c'est vraiment le temps de pouvoir explorer des petits coins de paradis du Québec où est-ce qu'absolument il y a beaucoup trop de monde et aussi c'est beaucoup plus cher l'été. Mm-hmm. Les prix baissent à l'automne. Et finalement, il y a quelque chose qui fait qu'à l'automne, c'est génial au Québec, c'est les couleurs. Donc, on ne fera pas encore de biologie, mais avec tout le nombre d'heures d'ensoleillement qui diminue, les feuilles commencent à changer de couleur, ça change aussi l'ambiance, ça change aussi tout le climat, en fait. C'est plus des températures extrêmes, c'est plus des grosses chaleurs où ça nous prend souvent des vêtements plus techniques, plus réfléchis pour être confortable, parce que le coton, quand il fait très, très chaud, ça ne marche pas très, très bien. Mmh. Et pareil pour l'hiver, ça ne prend pas de beaucoup, beaucoup d'équipement, des grosses bottes, des gros manteaux et des raquettes et tout plein d'autres choses pour pouvoir pratiquer. N'importe qui peut y aller. Avec des souliers bien normaux, le linge qu'on a tous les jours, un petit manteau bien léger, puis ça fait l'affaire pour les jeux d'art. Même un épais comme moi pourrait donc s'en sortir sans trop de problèmes. un débutant, c'est ce que je voulais dire. Oui, absolument. Un moron, on va non, le dire. Non, je suis pas prêt d'aller jusque-là. Pour tous les morons qui nous écoutent. C'est ça, je vous salue et je suis votre chef dorénavant. Suivez mes ordres. Je pense que en fait, le seul mauvais côté à l'automne, soit quand on fait du plein air, c'est le fait qu'il pleut un petit peu plus que d'habitude. Ben oui, mais là, quand on va jouer dehors, il faut s'attendre à avoir travaillé un petit peu sa zone de confort, avoir poussé un peu ses limites. Puis je pense qu'il faut apprendre à aimer la pluie un petit peu. Mais la bouette. La bouette. C'est pas le fun d'un côte, ça. Ben, non. Ça dépend. Si tu décides que c'est le fun de se rouler dedans, puis que tu te dis pas, faut pas que je me salisse, ça peut devenir le fun. Comme un cajon. Un bon cochon d'engrais. Là, si vous êtes plusieurs, il y en a un qui se roule plus que les autres, on joue au cochon graissé, là. Ah, wow. Avec la drape. J'ai un ami qui s'est cassé une fille en faisant ça. Ah! Ah. Pour de vrai. Donc, ça apprendra. Ouais, c'est ouais. Ça. Ça nous apprendra à avoir des idées comme ça. C'est des idées de gossou, ça. Non, non. Même, malheureusement, non. On n'a pas d'excuse. Oh. Mais c'est vrai que la boîte fait partie de la chose aussi. Encore là, il suffit de choisir son environnement. C'est sûr que si on choisit peut-être la randonnée pédestre, soit s'en avoir un petit peu de boîte. Mm-hmm. Ou vous êtes à on a parlé dans les capsules précédentes. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un trou de boîte dans un sentier? On saute dedans. Il faut qu'on passe dedans. Mmh. Effectivement. Parce qu'il y a un trou de bois dans un sentier, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui marchent là ou qu'il y a beaucoup d'eau qui s'accumule là. Mais bref, si tout le monde commence à contourner le trou de boîte, le sentier va juste s'élargir parce qu'on piétine toute la végétation qui est autour, ben encore oui. Et encore et encore. C'est que si on veut préserver nos sentiers, préserver notre environnement, il faut qu'on passe dans le trou de boîte. Fait que j'ai pas à traîner mon veston pour faire mon gars galant à mettre mon non. veston sur la. Tu pourrais traîner un ami très dévoué qui est prêt à se mettre à la vente dans le trou de boîte pour que tu passes par-dessus. Pour si Mathieu? Pour Mathieu, non, sûrement pas pour Mathieu. Non. Quand même pas. Mais sinon, on peut vraiment juste choisir une activité qui nous permet de ne pas avoir à être confronté à la boîte. Allumer la radio. Oui. Le mini-pot. D'or. Mini-pot. Malgré que j'ai déjà pogné un mini-pot avec des trous d'eau dedans. Parce qu'il y avait trop mouillé puis c'était pas super haut niveau. Fait que c'était quand même comme du mini-pot aquatique. C'était salissant. Mini-pot de bon niveau. C'est bon. Déjà, c'est déjà de bon niveau, même quand c'est de haut niveau, le mini-pot, non? Oui. Ouais. Et finalement, l'automne, en fait, c'est aussi le temps pour plusieurs choses en plein air qui varient un peu de l'activité plus sportive. Parce qu'on dit souvent, on dit plein air, les gens pensent, OK, il faut que c'est du sport, il faut que je sois actif, il faut que je sois en forme. Mais non, le plein air, en fait, c'est juste de savoir profiter de la vie, mais à l'extérieur. Mmh. Allez, je vais dehors un petit peu. Puis l'automne, c'est le temps des pommes. Oui. Souvent, ben là, c'est vers la fin, mais le maïs aussi. C'est le temps des champignons, c'est le temps de plusieurs fruits. Donc, c'est le temps où on peut sortir dehors, puis ça donne des choses plus relaxes. Comme cueillir vraiment aller recueillir de la nourriture nous-mêmes. Ben moi, cueillir des pommes, je trouve pas ça super relax là, parce que j'ai le vertige. Fait que je suis plus celle en bas qui attend avec le panier là, en bas de l'arbre. Mais il y a moyen d'en faire un jeu aussi. Il suffit qu'il y ait du monde qui monte dans l'arbre, puis tu as un panier, puis les autres shake l'arbre, faut que tu cours en rond. on peut. Et on découvre la gravité. On ouais. Se voit un peu le, ça à terre. Le tir à l'arc et tout ça aussi. Oui, hein, oui. Sur oui. une pomme, c'est toujours bien populaire depuis. Ouais. Depuis Guillaume Tell. Oui, il y a Guillaume Tell. Non, c'est pas William. Je vais dire William quelque chose, un Tell quelque chose. William Shaw. Tell ou l'autre, peu importe. Ouais. Donc voilà. Et puis en fait, pour nous, pour le club de plein air UQTR, c'est aussi le temps où on reprend nos activités. Oui. Donc pour nos auditeurs qui voudraient peut-être découvrir des petites activités de plein air, ben les prochaines qui s'en viennent, ça va être une petite après-midi slackline. Pour ceux qui savent c'est quoi de la slackline. Raconte-nous. C'est un peu comme le funambulisme mais avec une sangle et non une corde. Donc on s'amuse à tendre. Ah ouais, non, c'était peur, hein, ça. Je me casse une jambe, c'est sûr. Mais on la met super pas haut, là. C'est juste pour essayer. Si tu connais pas mes compétences en pétage de gueule. Donc on va avoir ça ici sur le campus idéalement la semaine prochaine, cet après-midi où on va offrir du thé, un peu de café et puis un essai gratuit avec une main ou un peu d'encouragement. C'est pour n'importe qui ça? C'est pour n'importe qui. Même les morons! Même les morons. Je salue mon nouveau groupe maintenant créé de morons. Mais moi je paierais cher pour voir Mathieu essayer ça. Là. Ok, combien? Et tu donnes l'argent à moi ou au club plein air? Est-ce que 50-50 club plein air à moi? On va à 50-50, on envoie un message à nos ouais, stars. Si jamais ils veulent voir Mathieu prendre sa place à la slackline, on se cotise. Oui, donc si vous voulez nous aider à cotiser pour voir Mathieu embarquer là-dessus, on appelle tout de suite 819-376-5183. On attend vos appels. Merci, Steph. Merci. Et prochainement aussi, vers la mi-octobre, on va avoir une petite sortie initiation à la mycologie, donc à la cueillette et l'identification de champignons. C'est le fun, ça. Oui, c'est le fun. Il n'y aura pas d'activité Halloween, vous savez pas, c'est dehors. On n'est pas encore rendu là. On arrête à la mi-octobre. Okay, peut-être que pour l'Halloween, on va faire peut-être une randonnée déguisée ou une sortie au flambeau avec des fantômes ou porter une garou. Génial. Je trouve que c'est vraiment bon sur le beat en arrière. C'est trop bon. C'est vraiment bon. Donc, Charles-Antoine Rioux, on te remercie. Et est-ce qu'on peut te. Je sais qu'on peut te visiter sur Facebook. Oui. QTR, adresse ou façon de trouver. Écrivez justement. Il faut aller sur Facebook. Là, c'est toujours compliqué avec Facebook parce qu'il te recrée une nouvelle adresse à chaque fois. Là. Mais écrivez UQT_AIR sur Facebook. Vous allez nous trouver. On a une page. C'est relativement facile. On a aussi un site internet www.uqtarlalettre.ca/UQTAIR. Génial. Et est-ce que vous avez un emplacement physique cette année? Non, toujours pas. Mais en théorie, c'est proposé, puis c'est pas toujours accepté. On partage un local avec plusieurs autres associations de troisième niveau. Ouais. Comme c'est compliqué d'avoir de la permanence, vu qu'on est souvent plusieurs, puis mm-hmm. du coup, non, on va dire que non, on n'a pas de local physique. Par contre, écrivez-nous sur Facebook, on répond relativement rapidement. Et puis, si vous voulez nous parler, mais on peut toujours vous donner l'adresse ou l'emplacement de notre prochaine rencontre pour venir nous voir en personne. Superbe. On va te retrouver ici à Assemblage Requis, c'est mardi prochain, à 8h pour notre collègue. Dans deux semaines. Dans deux semaines, excuse-moi. Deux semaines. Un jour. Ça va rentrer, mais sûrement pas en même temps. Donc, dans deux semaines, non, ça ne rentrera jamais. Il n'y a rien qui rentre chez moi, c'est ça. Non, il n'y a rien qui rentre. En tout cas, pas volontairement. Mardi, dans deux semaines à 8h, je suis Antoine Rioux, merci. Merci à vous, bonne journée. Et désolé d'exister. Ah, les morons me comprennent au moins maintenant. Maintenant, j'ai mon club. Je vais faire des cartes de membre. Bon. Donc, toujours Assemblage Requis. Dans quelques instants, tout à l'heure, on va faire un sortie de palmarès. On a aussi ta chronique, sa plus simple expression qui s'en vient. Tout ça et beaucoup, beaucoup plus, ou encore juste exactement ça. D'ici les prochaines minutes à Assemblage Requis. Pour l'instant, on va entendre une pièce. Ah, ça, c'est bon. C'est sur l'album Saturnalia Regalia. Tu connais Monomyth? Ben oui. C'est pas comme l'ours. C'est pas comme le Yeti. Puis Security Plus Mode Plein Air. C'est quoi l'autre magasin? Je cherchais un autre magasin comme le Yeti, tu vois. Parce qu'on n'est pas sûr que ça existe. C'est sûr. Ah, c'est un commerce. C'est un gag de commerce qui s'appelle Yeti. Elle était bonne. Merde. Ben, t'as bonne. Non, mais je suis sincère, elle était réfléchie. Merci, j'ai vraiment essayé, tu sais. Mais je fais juste ça, essayer. Un jour, je vais atteindre le but. Bonne journée, les morons. Bonne journée. Bonne journée. From Monomyth par la formation Monomyth. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le Dîner de con. Un certain midi cette semaine. Je vais être dégueu, hein? On peut faire ça. On a le droit. On est au dîner de cons. Je vais vous faire le top 8 des pires parasites qui vivent sur le corps humain. Hein? Fait que là, tout de suite, hein? Mais justement, le lien avec la bouffe, c'est qu'eux nous bouffent de l'intérieur, ces petits parasites. On va y aller avec le 8e. On va commencer par... le top. Non, non, on va finir par le top tantôt avec le 1. On y va avec le 8e parasite qui nous bouffe de l'intérieur. Il s'appelle... on l'appelle la puce chic. C-H-I-Q-U-E. Et non chic comme classe, là. Donc, la puce chic ou Twinga, pénétrant pour le corps scientifique, ne mesure qu'un tout petit millimètre. La puce chic vit dans des pays tropicaux d'Amérique du Sud et d'Afrique et s'introduit dans notre organisme via les pieds. En effet, pour se reproduire, la femelle enfonce sa tête première dans notre pied où elle ne laisse ressortir que le bas de son abdomen et son anus qui lui servent à respirer. Hein, c'est déjà, ça donne faim. Après quoi, elle commence tranquillement à pondre sous notre peau des œufs blancs, franchement assez peu ragoûtants. Hein? Sinon, autre petit parasite qui nous bouffe de l'intérieur, peut-être un des pires, hein? La dracunculose. Dracunculose, oui, dracunculose. Il y a un côté Dracula là-dedans. Hein? Également appelé ver de Guinée. C'est un parasite qui est présent dans des crustacés microscopiques, les cyclopes qui vivent dans l'eau stagnante. Vous pouvez donc en attraper en buvant de l'eau non filtrée dans un pays dit à risque. Un an après l'ingestion de cette eau contaminée, le ver femelle, qui a depuis pondu des milliers de petites larves, vous sort généralement par le pied ou la jambe. La scène est absolument dégueu, on vous aura prévenu. Elle est disponible à voir sur la page Facebook du Dîner de con. Le lien est là. Je vous ai prévenu, peut-être à ne pas voir. Hein? C'est vraiment tout ça. Sixième parasite qui vous bouffe par l'intérieur, eh bien, le ténia armé. C'est une espèce de ténia dont l'hôte intermédiaire est le porc et l'hôte définitif, c'est l'homme. Et il n'est plus tellement présent dans les régions industrialisées. En revanche, si vous le chopez, vous êtes quand même un peu dans la merde dans la mesure où cette bête, mesurant quand même jusqu'à 3 mètres de long, vous avez compris, vous fait un mal de ventre carabiné avant d'éventuellement vous faire développer une tumeur au cerveau. En clair, sans traitement, le ténia est méchamment mortel. Le ténia armé. Dégueulasse. En cinquième position, l'ascaris. Il mesure jusqu'à 30 cm de long. L'ascaris est l'un des vers intestinaux les plus balèzes du monde. Se transmettant par le biais d'aliments ou d'eau contaminée, l'ascaris femelle vit dans la lumière du gros intestin où elle peut pondre jusqu'à 200 000 œufs par jour. Vous avez compris, c'est absolument répugnant et en effet, une fois fécondé, les petits œufs passent par votre veine porte et se rendent dans vos poumons où ils trouveront ensuite le chemin vers votre système respiratoire. Selon l'OMS, l'ascaris, sous ses airs innocents, tuerait plus de 60 000 personnes par année. À date, c'est pire que ce que l'Ebola peut nous faire. Hein? Je veux pas minimiser les choses, mais c'est pire que l'Ebola. Hein? Et on n'entend pas parler souvent. Autre petit parasite qui vous bouffe de l'intérieur, et peut-être que vous ne le savez pas, eh bien, c'est la sarcopte. Sarcopte. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la gale, longtemps oubliée, a récemment fait son grand coming out, son grand comeback, pardon. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que c'est que cette chouette maladie est due à un parasite, le sarcopte, qui s'accouple sur votre peau. En effet, la madame sarcopte et le monsieur sarcopte font l'amour, puis le monsieur sarcopte meurt et la madame sarcopte creuse une galerie sous votre peau dans laquelle elle pond de 3 à 5 œufs par jour. Et comme il est important d'être précis, sachez que madame sarcopte se nourrit aussi de votre jolie peau. Hein? Ça donne le goût. Troisième petit parasite comme ça qui meuble et vous mange par l'intérieur, la filariose de Bancroft. Assez dégueulasse, tout comme la filariose de Malaisie, ce ver parasite transmis par les moustiques investit peu à peu le système lymphatique de ses victimes. Il a l'impressionnante particularité de provoquer chez certains porteurs un éléphantasis. Donc c'est un épaississement et une déformation de la peau. Hein? C'est un peu comme ce qu'il y avait l'homme éléphant, là, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Si ça vous chauffe, eh bien, on rencontre la filariose de Bancroft dans pas mal de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ainsi que d'Amérique centrale. Un chouette petit souvenir à ramener à toute la famille. Non! Ah, celle-là m'écœure, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est le Vandelia cirrhosa. C'est un poisson d'Amazonie, mais un minuscule poisson d'Amazonie. appartenant à la famille des Chandrius, qui est connu pour avoir la capacité de remonter votre flux d'urine pour se loger dans votre urètre. Donc, vous, mettons, monsieur, vous allez faire un petit pipi dans le coin là-bas, dans le bois. Eh bien, ce poisson peut remonter votre flux d'urine pour vous rentrer dans l'urètre. Sa technique consiste ensuite à déployer des pics afin de rester accroché aux parois de votre urètre. Décidément, c'est fort sympathique. Il se nourrit exclusivement de chair et de sang. Pour vous donner un ordre d'idée, les populations locales craignent plus les Vandalia cirrhosa, pardon, que les piranhas. Hein? Parce que les piranhas, c'est externe. Ça, c'est à l'interne que ça l'attaque. Et finalement, le premier parasite du top, l'amibe negleria fulleri, aussi appelée la mangeuse de cerveau. Oui, oui, oui, vous avez compris. Elle vit dans les lacs, les marais, les piscines, très mal entretenues et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une source d'eau douce, chaude et stagnante. L'amibe negleria fulleri s'introduit par vos narines, oui, avant de remonter doucement, mais sûrement en direction de votre cerveau. Après quoi, elle commence à le manger, provoquant une méningo-encéphalite amibienne primitive, la plupart du temps mortelle et par ailleurs extrêmement douloureuse. Morale de l'histoire, on ne se baigne pas dans de l'eau stagnante et morte. Rien de pire que l'eau stagnante, hein? Ugh. Et là, on avait une vidéo, si vous voulez aller voir ça, là, le petit serpent qui vous sort du pied, là, c'est assez dégueulasse. Ah, là, j'ai de quoi qui est vraiment pipi-caca, et c'est le cas de le dire. C'est le top 10 des différents types de pets que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Mais j'ai pas le choix. Tantôt, je vais le faire. Là. On est au dîner de cons. On va aller parler de pets. Ben oui, peut-être. Sinon, je vous le mets, en tout cas, ce top disponible sur la page Facebook du dîner de cons. Si vous pensiez déménager, peut-être, vous cherchez un pays, vous cherchez un appart... Ben moi, je vous propose la Grande-Bretagne parce que l'ex-Miss Grande-Bretagne, eh bien, cherche un colocataire. Ça serait vraiment difficile hein, d'aller habiter avec une Miss Grande-Bretagne. Donc, la top modèle de 27 ans, originaire de Newcastle, a quitté son copain, l'international de rugby Daniel Cipriani, parce qu'il était trop ennuyeux. Elle cherche donc un nouveau colocataire pour son grand appartement. Et hein, si son chum était trop ennuyeux, je pense que... ça se déclare. Dans son annonce, Miss Gradden précise qu'elle cherche un colocataire de moins de 35 ans. Danny, tu peux pas y aller. Avec un budget d'au moins 1000 francs par mois. Bon, ça, ça va. Mais attention, elle a tolérance zéro pour les plaintes et la négativité. Elle, elle veut se faire du fun. Surtout, elle explique que les candidats doivent d'avoir... Ça, c'est le plus dur, là. Les candidats doivent pouvoir supporter qu'elle jure comme un chartier, donc c'est assez vulgaire. Et surtout, ça c'est le pire, elle se balade souvent dans des tenues minimales. Bonne chance les garçons, ben oui, elle se promène souvent en petites culottes. Ça c'est le pire, hein? Une fille qui jure, qui fait le party, et puis en plus qui se promène en petites culottes dans ta maison. Moi je veux pas ça, certain, on veut pas ça, hein, messieurs, surtout pas. Quand même, allez voir ça. Ben oui, en plus, elle fume. Elle jure, elle fume et se balade en petite culotte. Ben, regardez, je lâche le micro, je pense que je déménage. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais quand même, hein, me chercher un appart, j'hésiterai pas longtemps. Tiens, on apprend... Oh, on va aller voir ça ici. On se transporte plutôt en Islande. C'est une vidéo qui est sortie sur le monstre lacustre, le Lagarflonsormur. Écoutez, mon Islandais est quand même approximatif. Hein? L'Islande aussi possède son monstre lacustre. C'est ce que vient de décider officiellement un collège de 13 personnes chargé d'établir la « véracité » entre guillemets d'une vidéo filmée en 2012. Il s'appelle, là j'essaye encore, là, Lagarflotsormur. Et entre les eaux du lac Lagarfljots, dans le nord-ouest de l'Islande. Comme Nessie, hein, bien sûr, sa consœur écossaise, Lagarfljotsormur contribue à la mythologie de cette partie du pays, ainsi et surtout au tourisme. Je pense que c'est plus là la patente. Hein? D'ailleurs, les critiques n'ont pas manqué de pleuvoir sur le collège accusé d'avoir, à 7 voix contre 6, authentifié le monstre. Pour les détracteurs du serpent géant, il s'agit simplement de contribuer au tourisme islandais. C'est ce que je dis. Un spécialiste s'était penché sur la question et avait conclu qu'il ne s'agissait pas d'un monstre, mais plutôt d'un filet de pêche déchiré et glacé qui dérive. Le Lagerfjordshormur est un monstre de la mythologie islandaise aperçu régulièrement depuis l'année 1345. Donc, il existe dans la tête de l'Office de tourisme d'Islande. Hein? Sinon, qu'est-ce qui existe? Ben là, ça, c'est vérifiable dans l'histoire. On tombe dans notre segment « C'est arrivé un 25 septembre ». Eh bien oui, 25 septembre 2011. Pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, le Sénat bascule à gauche. À l'issue des élections sénatoriales, la gauche obtient 177 sièges sur 348, soit une très courte majorité. C'est merveilleux, mais c'est trop français. On y va ici plutôt avec une nouvelle plutôt mondiale, hein, qui va plus toucher un peu tout le monde. C'est le 25 septembre 1997. Pour la première fois, un véhicule terrestre a franchi le mur du son au Nevada. Le pilote britannique Andy Green atteint la vitesse de 1149 km à l'heure à bord de la Trust Supersonic Car. Commence à aller vite, hein? 25 septembre 1997. Toujours un 25 septembre, cette fois-ci de l'année 1991. Décès en prison de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de la région lyonnaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est condamné à perpétuité en 1987 pour crime contre l'humanité. Le boucher de Lyon est à l'origine de l'exécution et de la déportation de milliers de victimes. On ne pleurera pas. Ah, ici, on parle de Coluche. Donc, le 25 septembre 1985, Coluche et Thierry Leluron se marient pour le meilleur et pour le rire. Entourés de leurs amis, le faux mariage des deux humoristes qui attire une foule de curieux est célébré dans les rues de Paris. Hein, c'est un mariage gay avant le temps, ça. Mais non, c'était un stunt, là, c'était une joke. Toujours, c'est arrivé un 25 septembre, cette fois-ci de l'année 1969. Naissance au pays de Galles de la superbe femme et actrice Catherine Zeta-Jones. L'actrice a démarré sa carrière très jeune, mais c'est dans son rôle du film Le Masque de Zorro qui lui a ouvert la voie au succès. Bravo, bravo, t'as une belle plastique, c'est ça, on va te dire bravo. Toujours dans les naissances, cette fois-ci, on part de 1969 et on recule en 1968, toujours un 25 septembre, naissance de Will Smith. Ben oui, Will Smith, rappeur, acteur et producteur. Il s'est fait connaître du grand public grâce à la télésérie Le Prince de Bel-Air, hein, Fresh Prince of Bel-Air, diffusée de 1990 à 1996. Will Smith a ensuite enchaîné les grosses productions hollywoodiennes dans, entre autres, The Independence Day, Men in Black, I'm a Legend et autres blockbusters. Quand même intéressant, ce monsieur. 1963, toujours un 25 septembre, coup d'État en République dominicaine. Le président Juan Bosch est chassé par l'armée. Un triumvirat de militaires s'installe ensuite au pouvoir. Eh bien oui, on s'en va cette fois-ci en 1944. Naissance de l'acteur bien célèbre Michael Douglas. Eh bien, il s'est fait remonter à face, lui, ça n'a pas de bon sens. Acteur et producteur, il a démarré sa carrière dans les années 70. Il a reçu deux Oscars, l'un en tant que producteur pour le film « Vol au-dessus d'un nid de coucou », qui est un excellent film, pour ma part, un peu trop troublant, et l'autre en tant qu'acteur pour son rôle dans le fameux film Wall Street, mais le premier, là, pas le genre de remake moffé. Non, c'est pas vrai, c'est pas si moffé. Toujours un 25 septembre, cette fois-ci de l'année 1921, ouverture de la première autoroute du monde. L'AVUS, A-V-U-S, construite à l'ouest de Berlin, qui est longue de 10 km et comporte deux voies séparées. Cette autoroute servira ensuite pendant plusieurs années de circuit pour le Grand Prix d'Allemagne. C'était la première autoroute du monde en 1921. Et dernier fait, cette fois-ci, on s'en va plutôt en 1513, toujours le 25 septembre, Vasco Núñez de Balboa découvre l'océan Pacifique, explorateur espagnol qui est le premier européen à voir l'océan Pacifique. Découvre l'océan Pacifique, OK. Colonisé depuis des siècles par les ancêtres des Polynésiens, en 1520, Magellan le baptise Pacifique en raison de la clémence de ses eaux. La journée qu'il l'a vu, parce que il s'en est mordu les fesses plus tard. OK, on a Lex Miss Chosbin, fait divers. Ah, celle-là, assez atroce quand même comme nouvelle. Des Russes meurent en allant cueillir des champignons. Le titre m'a interpellé parce que j'aime aller cueillir des champignons. Notre forêt québécoise, mais là, déjà le froid, mais là, on va avoir un petit comeback de champignons là, avec la chaleur, parce que quand le froid arrive, il en sort, mais quand ça se met à geler, les champignons aiment moins ça. Mais là, avec l'été indien qu'on a, eh bien, on va avoir un petit retour des champignons. Eux, qu'est-ce qui est arrivé? Là, on va aller voir ça. C'est au moins 6 personnes qui sont mortes à Moscou et ses environs au cours du seul mois de septembre, après s'être perdues en forêt, où elles s'étaient rendues pour aller cueillir des champignons, un loisir qui est très prisé par les Russes. On nous dit le titre du journal russe, c'était « Cueillir des champignons est dangereux pour la vie ». Ça, c'est sûr que ça fait vendre, mais c'est pas pour les mêmes raisons qu'on le pense. Selon la police locale citée par le journal, eh bien, un scientifique réputé, Alexei Chenernenkis, 76 ans, professeur d'informatique à l'Université de Londres, a notamment été retrouvé mort mercredi dans une forêt de Moscou après s'être perdu le week-end dernier. Alors que les températures ne tombaient que jusqu'à 2 degrés Celsius dans la nuit, Chernonevski est décédé suite à un surrefroidissement de son organisme, ayant été affaibli en raison d'une récente intervention chirurgicale. Une chose inédite s'est passée, un homme est mort de froid en septembre et à 20 de kilomètres du Kremlin. C'est alarmé un autre quotidien populaire, publiant ensuite une longue liste de conseils pour éviter aux cueilleurs de champignons de mourir en forêt, tels que de toujours prendre un portable sur soi. Dans la région de Moscou, eh bien, il y a des massifs forestiers dont la surface est comparable à celle de la moitié de la capitale russe. C'est ce qu'explique Irina Vorobieva, militante du mouvement volontaire Lisa Alert, spécialisée dans les recherches de personnes disparues. On peut se perdre facilement là-bas, marcher tout près d'un petit village et ne pas le voir. C'est ce qu'elle souligne. Et elle nous dit que 6 cueilleurs de champignons âgés de 59 à 78 ans sont décédés dans les forêts de Moscou et dans les environs depuis le début du mois de septembre. Triste nouvelle, ça arrive pas souvent ici par contre. Pourtant, on a de la forêt assez pour se perdre, mais il y a moins de gens qui vont à la cueillette des champignons. Mais tu sais, il n'y a pas rien que les champignons qui sont dangereux, juste stationner son auto dans un stationnement étagé peut être dangereux. C'est ce qu'a vécu et ne vit plus maintenant un conducteur de 77 ans qui a perdu la vie après une fausse manœuvre ayant entraîné la chute de son véhicule depuis le parking d'une clinique. Donc, une voiture a chuté d'un parking d'une clinique mercredi à Porto Ronco, non loin d'Ascona. Elle est tombée de 15 mètres en contrebas sur la route cantonale. Le conducteur, âgé de 77 ans, a succombé sur place à de graves blessures. Bien triste tout ça. Et tiens, on va aller se faire quelque chose vraiment cave, là. Vous allez pouvoir le dire, oui, c'est le dîner de cons. Et j'en vois déjà qui vont changer de poste, puis j'en vois d'autres qui vont caler leur ami pour dire, hey, écoute ça, ça n'a pas de bon sens ce qu'il y a sur les ondes. Eh bien oui, je vous le fais, je l'assume, le top 10 des différents types de pets que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Écoute, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai écrit l'article, il est là, et puis il est frais, frais fait pour vous. Comme un... Hein? C'est ça. Tiens, on va commencer par le dixième. OK. Ben nous, on l'appelle pas comme ça. Le dixième, c'est un bonus. C'est le pet de chatte. Ou nous, on l'appelle le pet de noun. Je l'ai dit. On nous dit que c'est le plus cool et de loin. Le pire moment pour en lâcher un, c'est pendant un essayage chez Zara. C'est un magasin de lingerie, si je me trompe pas. Sinon, il va avec le 9. Le pet forcé, de loin le préféré des petits rigolos qui jouent encore à tire mon doigt, passé 30 ans. Assez pathétique tant en matière que de son qu'en matière d'odeur. Le forcé est extrêmement dangereux car il peut entraîner à force de pousser le second niveau de réjouissance. Hein? On le comprend, le pet forcé, c'est ça. Le pire moment pour en lâcher un, c'est au premier rendez-vous, même pour la faire rire. Je vous le dis, c'est le pire moment. Le pet corne de brume se dit du pet amplifié par un effet de résonance, comme il nous arrive d'en faire aux toilettes, dans la douche ou confortablement installé dans un gros fauteuil en cuir. Le pire moment pour en lâcher un corne de brume, c'est n'importe où, si vous n'êtes pas tout seul en mer ou dans un phare éloigné. Ça dit tout, hein? Ah! Nous autres, on l'appelle le pet sauce, mais là, on nous dit le pet au jus, hein? Eh, Seigneur! Le pet mouillé est salissant et laisse ce qu'on appelle communément des traces de break et nécessite parfois le passage par la case douche. De loin, le plus contraignant de son espèce. Le pire moment pour en lâcher un, y a-t-il vraiment un bon moment pour lâcher un pet sauce? Je pense que jamais, et il n'y a pas un pire non plus. Le pet sauce, moi, je te dis, c'est le pire. Sinon, le pet l'impromptu, totalement imprévisible, il surprend plus encore celui qui est à l'origine que ceux qui l'entourent. Si vous y êtes particulièrement sujet, évitez les crises de fou rire et surtout le yoga, hein, parce que ça peut arriver dans une position un peu particulière. Le pire pour en mâcher un, ça c'est pire aussi. Le pire pour lâcher un impromptu, eh bien c'est lors de l'entraînement de votre grand-mère ou de votre tante. Hein, peut-être pas. Sinon, le cinquième des types de pets, eh bien, c'est le pet sous-marin. Et ils sont très amusants et faits de jacuzzi. Vous noterez que l'eau semble totalement arrêter l'odeur de ce qui n'est franchement pas désagréable. Il semble arrêter l'odeur, ce qui n'est franchement pas désagréable. Donc, le pet sous-marin, c'est le pet dans l'eau. Hein? Le pet dans l'eau, ça le dit. Le pire moment pour en lâcher un, c'est à la piscine. Au bain, c'est mieux. Je le sais pas. Mais la piscine, c'est qu'on le verra même pas. Il y a trop de gens. C'est beaucoup mieux dans le jacuzzi. Hein? Ça, c'est sûr. Sinon, le mastodonte, à l'inverse du sournois, celui-ci est fort, bruyant, tonitruant. En revanche, il n'est presque pas odorifiant et donc que peu dérangeant pour votre entourage qui vous remerciera sans doute de cette délicate attention. Hein, c'est le mastodonte, c'est le gros pet standard qui fait du bruit, mais qui sent rien. Le pire moment pour en lâcher un, c'est quand on oublie que ce matin, vous n'êtes pas seul à la maison ou dans votre bureau. Hein, vous pouvez penser que vous êtes seul au bureau. Ah, m'en lâcher un, paf, eh bien non, vous êtes trahi. Le pet mitraillette, eh bien, c'est un chapelet de petits vents, souvent lié à un moment de stress avant un examen ou autre, peut-être au dernier niveau d'un Super Mario sur NES, je le sais pas. Le pire moment pour en lâcher un, c'est lorsque vous rencontrez vos beaux-parents et que vous expliquez que votre boulot est assez sérieux et que vous essayez de choisir vos mots, là, tu sais, quand on essaye de bien paraître, hein, le pet mitraillette, ça vous tue. Y a la sifflette, qui donne plutôt le bruit d'un bruit aigu, hein, le bruit d'un appôt, l'odeur d'une flatulence avec pour première cause une digestion peu délicate. Le pire moment pour en lâcher un, c'est lorsque vous vous levez pour prendre la parole. N'importe où, c'est pas tellement... Et le pire, c'est le pire, moins pire que le pet sauce. Mais quand même, le pet sournois, hein, comme son nom l'indique, il est silencieux, mais à l'odeur d'œuf pourri particulièrement corrosive, à tenter dans un ascenseur ou tout autre lieu clos. Le pire moment pour en lâcher un, c'est dans un entretien d'embauche. Vous n'êtes que deux, alors il le saura. Hein? C'était le top 10 des différents types de pets les plus communs. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Justine Renaud avec nous en studio. Hey, bonjour, bon matin. Celle qui claque des doigts et tape des mains. Ou claque des mains et tape des doigts. Des orteils. Tape des doigts, c'est moi. Tape ses joues. OK. C'est, ça, c'était ses fesses. Ça sonne creux, je suis pas normal. Donc, Justine Renaud qui est là tous les jeudis pour sa chronique. Justine Pertine. Salut Justine Renaud. Bonjour Mathieu Plante. Cela va? Cela va très bien. Oui, j'ai réussi à boire de ton café ou t'as juste fait semblant de te mettre tes lèvres contre? Non, mais j'ai perçu le goût par mon nez. D'accord.

bon vieux Billy Talent qu'on a ressorti des Boulamites avec Falling Leaves. Avant ça, on avait Scatterbrain As Dead As Leaves de Radiohead et la première toune d'automne des Cowboys Fringants. Devinez quel est le lien. Ça ils ont pas du sens. Talent. Oui, c'est ça. Oh, oui. Ça passe ont, à la radio. Oui. Ils ont des têtes aussi. Head, Radiohead. Je vais vous aider un peu, là, les trois chansons parlaient d'automne. Ben non, ils parlaient pas nécessairement d'automne, mais en tout cas, il y avait au moins une composante d'automne, c'est-à-dire des feuilles ou des affaires qui sont mortes comme des feuilles. OK? Et Gilles Latulippe. Oh! Il est trop tôt, Mathieu! Moi, je l'aimais, Gilles Latulippe. C'était probablement la personne la plus vieille qui réussit à me faire rire. Là. Ouais. Non, moi, c'est ma grand-mère. Non, tellement hot. Je sais pas. Je pense que peut-être que ma grand-mère est un peu plus vieille que lui. On aurait dû les matcher. Donc, c'est étendu. Ben, c'est tout pour ma chronique Justine Pertine où j'ai été pertinente cette semaine sur un sujet. Quel automne? À 90% pertinente. Merci, Justine Renaud. 90, c'est bon. Ouais, j'ai augmenté d'un bon 50%. Moi, c'était nous autres, le 10% pas pertinent. À peu près, mais ça fait partie de la chronique. Ouais. Finito, finito. On te retrouve dans deux semaines pour une chronique Justine Pertine. Merci, Justine Renaud. Merci à vous. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Ici, ben, faut que je le fasse, mais sérieux, je le ferai pas au complet parce que c'est complètement dégueulasse. Vous allez comprendre, c'est le top 10 que je vous fais à l'instant des mots à ne jamais chercher dans Google Images. Non, faut pas. Je vous le dis, faut pas. Ne cherchez surtout pas ces mots, bande de tarés. Hein, c'est ce qu'on dit dans l'article. Je ne vous traiterai pas comme ça. Je vous respecte beaucoup plus. Mais derrière ce merveilleux outil qu'est Google Images, se cache en fait une porte vers les enfers, vers une dimension haute qui vous gratte les yeux avec ses ongles et vous enfonce des petits pics tout rouillés dans l'iris. Car en cherchant les 10 mots-clés maudits, les 10 infâmes, vous pouvez voir ce qui peut être dévu. Donc, il ne faut pas voir ces images et détenir ainsi le mystère de la connaissance ultime. On vous a prévenu, ne cherchez pas ces mots dans Google Image. Et si vous le faites quand même, pensez à désactiver le Safe Search. Sinon, c'est peut-être pas marrant. Mais en tout cas, on vous le dit, ne faites pas ça. Alors, allez sur votre Google. Là, je vous attends un peu. OK, vous êtes rendu là. Je vous dirais de taper le mot... Hey, juste le lire me donne mal au cœur. Tripophobia. OK, le tripophobia. On regarde ça. Et qu'est-ce que c'est? Non, n'allez pas voir. Le tripophobia, là, c'est hallucinant. Ça nous fait comme... c'est une plaie là, sur le corps de corps humain. OK? Et ça ressemble un peu à une ruche, des alvéoles avec des trous puis des petits œufs qui poussent. C'est dégueulasse. Allez pas voir ça. Tripophobia. Le prolapse. Hein? Si jamais vous osez, lisez au moins une explication de savoir c'est quoi. C'est très sale, le prolapse. Qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse. C'est quand, j'ai pas le goût de dire ça à la radio, mais allez voir, c'est quand l'intérieur de notre intérieur sort. Vous avez compris, hein? J'ai-tu besoin de donner plus de détails? Exemple, tu sais, par où vous allez aux toilettes? Mettons, vous allez aux toilettes et il n'y a plus rien, mais c'est tout le reste qui sort, tout votre tuyau qui sort. C'est un prolapse rectal. Il peut y avoir des prolapses vaginales, des prolapses hémorroïdaires, des prolapses vaginales. C'est quand le kit, finalement, sort. Hein? Je vous ai dit de ne pas aller voir ça. Hein? Le Blue Waffle, une gaufre bleue. Mais vous n'en trouverez pas sur Marmiton. Allez voir c'est quoi une Blue Waffle. C'est encore une genre de maladie de peau qui attaque de façon un peu trop sévère et ça fait des images qui sont complètement dégueulasses. Allez voir, c'est une genre de gangrène. On nous dit ici Blue Waffle, maladie. C'est juste là, juste dégoûtant. Blue Waffle. Sinon, il y a le goats, le mot goats. Je vous explique même pas c'est quoi. Il y a le Megan Fox Thumb aussi, le pouce de Megan Fox. C'est ça, c'est sérieux. On nous dit que c'est dégueulasse, là, mais il n'y a rien de dégueulasse là comparé à tout ce qui est le reste. Et là, on a je vous dis les mots, là, mais ça va vite. Éléphantis, goité, G-O-I-T-E-R, Goïté, oui, c'est ça. On a Top Girl. On vous dit de pas chercher. Hein? Allez pas voir, c'est quoi? On vous a dit de pas chercher Top Girl. Gouattier, c'est... Ah non, le gouattier, là, c'est une infection de la gorge, des bosses dans le cou. C'est mais vraiment dégueulasse. Top Girl, hein? On va aller voir qu'est-ce qui est Top Girl. On comprend le mot, mais qu'est-ce qui est si dégueulasse dans ce mot? Là, c'est là la question. Off! Non, on veut pas voir ça. Allez pas voir ça. C'est complètement dégoûtant. Donc, c'était les mots à voir et surtout, non, à connaître, mais à ne pas aller voir sur Google Images. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.